les champions, putain. On est les champions. Non mais tu le crois ça? On est les champions. Non mais c'est fou. Bon, le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe. Et bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Montpellier et c'est votre rendez-vous sportif de chaque semaine qui revient depuis la semaine dernière avec Sport & Chill, saison 5, mais avec un animateur des saisons 3 et 4 présent ce soir et une belle équipe autour de moi, une belle composition, sachant que je suis entouré de 5 de mes chillers dont plusieurs ont eu leur première titularisation, 3 d'entre eux, mais tiens on va démarrer par ma droite. Bonsoir Tim. Bonsoir à tous, on est là. Corentin également, qui était déjà là la semaine dernière et qui arbore un beau maillot du MHSC en cette semaine de derby. Eh oui, toujours. Loke Belanda, à l'ancienne. Ed Belanda. Avec le pire sponsor de l'histoire du club, je pense qu'il n'aura pas de débat. La Farfouille. Et qui était vendu à l'époque à la Farfouille, pour l'anecdote. Hein. C'est dire. Il s'en passe des choses dans notre ville de Montpellier, dans ses plus belles années. Florian également, qui a jamais été autant au fond du studio. Je me suis caché un peu de tout le monde. Bonsoir. Une légende de Sport & Chill avant de partir en terre de rugby, vers Bourgoin-Jallieu, qui nous revient pour nous faire une bonne petite pige et un débat qui concernera, vous le verrez, la Ligue des Champions et l'Europa League. Ensuite, de l'autre côté, et la Ligue 2, bien sûr. RC Lens, faut-il le rappeler. Sur ma gauche, ensuite, nous avons Jules en face de Florian. Ouais, je me suis levé dimanche à 7h15 pour voir Italie-Namibie, je suis en pleine forme là. Ah là, on voit les vrais. Ça, c'était le match où il fallait être vraiment un puriste. Et enfin, Alex, mais ça m'étonnerait pas qu'Alex ait vu beaucoup de matchs de la Coupe du Monde de rugby lui aussi. Oui, bonjour à tous. Un petit peu, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on a gagné. On y reviendra justement. À suivre donc dans cette émission une rubrique résultats remasterisée 100% débat, comme on l'a déjà fait la semaine dernière. Avec chaque semaine, donc trois disciplines mises en valeur autour de mini-débats d'une dizaine de minutes. On se concentrera cette année. Vous imaginez si toute l'année on avait parlé que de ces trois événements. La Coupe du Monde de rugby au Japon, l'équipe de France de volley lors de l'Eurovolley 2019 qui avait d'ailleurs lieu pour sa phase de groupe à Montpellier, les saisons de Formule 1 et MotoGP. Dans le sport montpelliérain, nous reviendrons avec vous sur les résultats des clubs de la ville et tout particulièrement sur le début de saison de nos pailladins du MHSC. Notre débat aux alentours de 19h45 sera consacré cette semaine à la plus grande des compétitions européennes, la Ligue des Champions, mais aussi à sa seconde, l'Europa League. Vous retrouverez enfin vos rendez-vous incontournables, le quiz, l'agenda montpelliérain et notre chronique Paris Sportif où Tim tentera de relever le niveau et la réputation de l'émission par rapport à la semaine passée sans commentaire. Allez, assez parlé. C'est juste une blague pour la première, c'est tout. Ouais, justement. C'était impronosticable. Les gars, faut le dire. Et vous verrez que cette semaine, on vous aura concocté justement des bons petits tips. Allez, assez parlé, c'est parti. Place aux résultats de la semaine. Jingle. Sport & Chill, les résultats. Débat de la semaine ou résultat de la semaine, il faudra qu'on se trouve d'ailleurs un nom pour un petit peu plus de lisibilité. En tout cas, trois sports, je vous le disais, mis en valeur ce soir. On va démarrer par le premier d'entre eux au vu de l'actualité en ce moment, c'est le rugby avec la Coupe du Monde 2019 qui a démarré vendredi dernier au Japon avec le match d'ouverture Japon-Russie, mais surtout qui a été palpitante au cours du week-end avec deux matchs qui nous ont tout particulièrement intéressés, même si les autres valaient le détour aussi. France-Argentine et All Blacks Springboks, et je vais tout simplement laisser la parole à Jules pour nous introduire cette Coupe du Monde de rugby qui a démarré le week-end passé. C'est vrai qu'on a eu droit à un joli samedi matin qui a démarré assez tôt à 6h45 avec Fidji-Australie, un bon match de Coupe du Monde aussi avec beaucoup de spectacles. J'étais debout. Moi aussi, et j'ai pas regretté de m'être levé au vu de la première mi-temps des Fidjiens, même si sur la fin c'est l'Australie qui l'emporte 39 à 21 assez facilement. Ensuite on a eu l'équipe de France où là on est aussi passé par toutes les émotions, une première mi-temps presque, je dirais pas parfaite, mais presque parfaite, où on arrive à maîtriser ces Argentins-là, on arrive à envoyer du jeu et à scorer sur nos temps forts. Deux essais magnifiques. Hein, deux essais magnifiques de Ficou et de Dupont. On arrive à scorer sur nos temps forts, ce que d'habitude on n'arrive pas à faire. Donc 20-6 à la mi-temps. Mais après, je sais pas ce qui s'est passé dans les vestiaires. C'est peut-être qu'il classique. S'est passé la même chose que pendant le tournoi destination face au Pays de Galles à la première journée, on s'effondre. Après c'est soit nous qui nous effondrons, soit en face qui se réveille. Ils ont tellement rien fait dans la première mi-temps les Argentins que c'était sûr qu'il allait se passer quelque chose en deuxième mi-temps. Ouais. Et voilà, ça tape plusieurs fois en touche, pénal touche, ils nous emportent, ils reprennent la confiance. Et on sait que cette équipe de France-là, le moral un peu dans les chaussettes assez rapidement, qui n'a pas beaucoup de confiance dans ces périodes-là, subit rapidement. Je pensais sincèrement qu'on n'allait pas, quand ils sont passés devant, qu'on n'allait jamais repasser. Et Camille Lopez qui rentre et qui du bout du pied nous claque ce drop qui passe à 10 cm au-dessus de la barre pour notre plus grand plaisir. C'est vrai qu'on a eu chaud sur ce match, mais l'important c'était de le gagner. Donc je sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Est-ce que au final c'est vrai qu'avec le déroulé du match on peut dire qu'on a eu peur, mais si en début de match on vous avait dit qu'on gagnerait 23-21, vous auriez signé tout de suite, non? La parole est à Tim. Moi j'aurais signé parce que je voulais mettre au préalable, j'hésitais à poser l'Argentine. Enfin, je m'attendais à une victoire de l'Argentine. Heureusement qu'il a posé l'Argentine. Ouais, non, heureusement que je ne l'ai pas fait, mais on voit à quoi ça tient. Ça tient à une pénalité en toute fin de match qui est lointaine, certes, mais elle est plénaxe. Si, peut-être, je ne sais pas si c'est la fatigue ou pas, mais elle aurait très bien pu rentrer, ça aurait fait victoire de l'Argentine. Un petit coup de vent, paraît-il. C'est d'ailleurs sur une faute vraiment stupide. Hein. Franchement, Gaël Ficou, ouais. Qui se met à la faute comme ça, il n'a pas le droit. Et on voit s'excuser dans les vestiaires d'ailleurs. Ouais, bah après, voilà, je pense que le fait qu'on ait gagné, ça a dû bien le soulager quand même. Mais non, comme tu dis, c'est un match où on est passé par toutes les émotions. Il y a eu du bon et vraiment du moins bon. Après, moi, cette baisse de régime et le fait tout ce qu'on a vu en première mi-temps, on l'a pas revu en seconde période. Je trouve ça un petit peu inquiétant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de constante. Et je sais pas si c'est un aspect mental. Alors je veux bien que les Argentins aient pas trop montré leur caractère en première mi-temps, mais franchement il y a eu 30 minutes on s'est fait un petit peu manger, et c'est voilà un sursaut Camille Lopez qui d'un coup d'éclair nous fait repasser devant. Ça tient à pas grand chose. Moi je trouve que c'est plus inquiétant qu'autre chose. Je ne sais pas ce que tu en as pensé toi Florian, mais on aurait cru à un moment qu'ils étaient éteints, fatigués, mais pour un premier match c'est assez impensable. Mais c'est comme Jules a dit, c'est un petit déclic du côté négatif hein, pour l'équipe de France. Il y a juste une chose qui se passe pas bien, ou genre un petit en avant quoi que ce soit, et ouais. Puis le moral directement dans les chaussettes quoi. Ça, plus rien ne fonctionne, tout ce qui s'est passé en première mi-temps, bah, tout ce qui tente, ça ne fonctionne plus du tout. Et voilà, on prend la sauce, et encore, on aurait pu prendre encore plus, plus la sauce. Donc après, au niveau des satisfactions, je suis plutôt satisfait. Des rentrées en jeu donc du banc de l'équipe de France, parce que certes j'apprécie pas toujours ce que Christian Jean-Pierre dit au micro, mais là où il a raison, c'est vrai que c'est l'équipe de France, c'est vraiment un groupe entier. On voit là que quasiment tout le monde de l'équipe de France rentre, et les rentrées ont été plutôt convaincantes. Malheureusement, moi je suis pas très fan de Camille Lopez ni de Machenot, mais on peut pas dire qu'ils ont pas pesé dans le match sur ce coup là donc tant mieux qu'il y ait des arrières. L'expérience qui a été mise sur le banc par Jacques Brunel et Fabien Galthié, qui au final fait la différence sur la fin. Je vous ai préparé un petit top et un petit flop sur ce match, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Très bien mené, un petit top. Alors au niveau des tops, le coaching gagnant, comme on en a parlé, avec cette expérience sur le banc qui a peut-être fait la différence. Je mettrai aussi la première mi-temps des trois quarts, parce que globalement je pense que nos avants ont été dominés tout le match, et on fait pas mal de fautes de main en conquête, ça n'a pas été ça, en touche, en mêlée, ça a été un peu catastrophique. Mais Penaud, Ficou, Vakatawa en première mi-temps, sans oublier Dupont ou le 4-4 de Ntamack au pied. Ensuite devant il y a Olivon qui est un peu surnagé. Pas facile ce 4-4 en plus. Ouais. C'est pas des coin et tout ça. Ouais. Olivon qui est un peu surnagé devant, qui a fait vraiment une grosse partie, et le drop décisif de Camille Lopez. À l'inverse pour les flops, je mettrai la deuxième mi-temps. Dans l'entièreté hein, on a vu des erreurs défensives de Penaud, des fautes bêtes de Ficou ou Dupont qui a essayé un peu trop de porter la balle et qui s'est souvent fait coffrer par l'agressivité des Argentins. Et là pareil en deuxième mi-temps, je vois que Ntamack qui a surnagé avec 9 plaquages avec des ballons hauts importants à attraper et qui nous a fait du bien parce que c'est vrai qu'en conquête on s'est fait manger par ces Argentins-là. Je sais pas ce que t'en penses, Alex. Moi je partage ton avis sur toute la ligne de trois quarts avec Ficou qui a quand même fait 100% de plaquage réussi dans le match. Également Penaud et Vakatawa qui ont été excellents. Dupont bien évidemment. Moi j'ai bien aimé Ntamack. Olivon, je suis d'accord, il a fait un gros match. Après je rajouterais quand même Poirot. Je trouve qu'il a été bon en première ligne. Par contre la deuxième ligne décevante au même titre que Aldrit. Ouais, et ce qu'il faut améliorer très clairement, bon, la deuxième apprendre à gérer un match et ne pas s'éteindre en deuxième mi-temps, ça c'est une évidence. Mais la touche est défaillante, oui. Puisque les Argentins ont eu 13 ballons gagnés en touche, 0 perdu. Nous, après, c'est une habitude. Ouais, mais nous on a eu 4 gagnés, 2 perdus. Et puis la discipline, parce que les pénalités concédées sur le match, c'est 5 du côté argentin, 13 pour nous. Dès la première mi-temps, on prend déjà beaucoup de pénalités. Ah oui, et à ce niveau-là, tu peux pas. C'est pas possible d'être autant sanctionné. Après, les points positifs aussi, c'est tout ce qui est l'agressivité. On a eu 90% de plaquage réussi, ils en ont eu que 75%. Les mètres parcourus, on a beaucoup plus avancé qu'eux. Voilà, donc il y a des points positifs, mais après, il y a des points à travailler. Je suis très inquiet, moi, personnellement. Je ne sais pas si on a encore le temps sur la mêlée. Ouais, la mêlée aussi. On a, enfin, ça a quand même été pendant des décennies, j'exagère, mais pendant des années, une des forces de l'équipe de France. Et là, hier, j'ai vu le copier-coller du match d'avant, à savoir, enfin d'avant, je ne sais plus si c'était juste avant ou quoi, mais les Fidji. Ouais, Fidji. Contre l'Australie, ouais. Qui ont craqué exactement de la même manière dans les mêlées. Et ça m'a fait un peu peur. Et pourtant, la mêlée argentine n'est pas réputée comme une des meilleures buteuses. Mais après, on a toujours le problème de Slimani. C'est pas de sa faute, mais c'est son gabarit, il est dans l'œil des arbitres. Ouais. Et après, beaucoup de vis côté argentin aussi. Juan Figallo. Figallo, il fait 1,90, Slimani, il fait même pas 1,75. Alors là, il y a une différence de gabarit qui fait que t'as du mal. C'est vrai qu'on a du mal contre les équipes qui ont du vis. En tout cas, il faudra relever notre niveau sur ces aspects qui sont cruciaux du rugby moderne international, de la conquête. Je suis tout à fait d'accord. La France est en bonne posture. Par contre, j'ai entendu que la France était qualifiée en quart de finale. Il ne faudrait pas aller trop vite en besogne. Il suffit que les Argentins, si je puis dire, il suffit, ce ne sera pas une mince affaire, battent les Anglais et on peut avoir trois équipes dans un mouchoir de poche. Mais nous, on peut battre les Anglais. Et on peut battre les Anglais aussi. On peut battre les Anglais, perdre contre les Tonga aussi. Tout est possible. Donc voilà. Et il faudra bien faire attention d'ailleurs de prendre les points, que ce soit contre les Tonga ou les États-Unis, à l'image d'une Angleterre poussive mais qui a pris le bonus contre les Tonga. Plus brièvement que prévu, mais un petit mot peut-être quand même des autres rencontres et surtout d'une. Jules, c'était la grosse affiche qui suivait le match France-Argentine. C'était la grosse affiche juste derrière, entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Beaucoup l'annonçaient comme une finale avant l'heure, c'est un peu tôt pour le dire. Et on a vu un gros choc qui, contrairement à ce match France-Argentine où on a vu l'arbitre Angus Gardner un peu dépassé, là Jérôme Garcès a parfaitement tenu son match. Et on a vu vraiment une très grosse partie où les All Blacks, on les a vus un peu en difficulté en première mi-temps. Et sur deux éclairs, ils arrivent à mettre tout le monde d'accord, à percer cette défense sud-africaine et à marquer deux essais. Après, il aura suffi de contrôler sur la fin de partie avec une grosse, grosse défense. Mais moi, si la question cette année, on se demandait si les All Blacks étaient prenables, ils ont mis tout le monde à l'heure là, et je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être très dur d'aller les chercher. Sacrée efficacité, alors que l'Afrique du Sud m'a séduite dans le jeu plus que ce qu'elle faisait sur les même dernières éditions. Hein. Ils ont changé leur jeu depuis 2015. Ouais. Avec un très grand Colby. Chelsea Colby, qui est vraiment un ailier qui est très grand, très petit surtout. Très petit, mais très grand par le talent. Voilà. Très vif. Une équipe d'Afrique du Sud qui sera aussi difficile à prendre. Je plains nos amis, nos voisins transalpins italiens d'être dans la même poule. Mais la Nouvelle-Zélande est très forte. On va faire relativement vite pour pouvoir passer sur les autres sujets. Mais moi, j'avais une question et je vais la poser à Alex. On s'était interrogé avec Guillaume qui était là la semaine dernière. Guillaume, notre géorgien d'Amsterdam, croyez-le. Géorgie qui a pris une rouste malheureusement aujourd'hui. Oui. Il n'était pas du tout content d'ailleurs de la prestation des Lelos. Grosse déception. Mais revenons-en au match Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud. Guillaume, on avait parlé en off, je ne suis pas sûr qu'il en avait parlé pendant l'émission, mais on s'était interrogé sur la charnière et sur le choix, même ce sont deux excellents joueurs, de mettre Richie Mounga en numéro 10 et donc de passer Bowden Barrett, qui a été ancien meilleur joueur du monde, à l'arrière. Est-ce que pour toi c'est une source d'interrogation sur des gros matchs, quart, demi-finale, ou est-ce que tu te dis que c'est passé contre l'Afrique du Sud, c'est un bon choix? Bah, l'Afrique du Sud, si c'est pas un gros match, alors je sais pas où il y a un gros match. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, ok, il a pété un câble, le sélectionneur, mais... Parce qu'on pourrait penser que Barrett serait le numéro 1 à l'ouverture, voilà. Oui, voilà, sans ses deux immenses talents à aligner. Voilà, c'est ça. Après, je sais qu'il a déjà joué à l'arrière. Je sais même pas si quand il était jeune, je crois qu'il jouait chez les moins de 20 ans, Black, à ce poste-là. Mais il est décisif sur les deux essais. Donc le choix est gagnant, donc pas de questions à se poser. Wait and see pour la suite de la compétition. Voilà. Deux fois meilleur joueur du monde, donc... Oui. Après, ah ouais, voilà, ouais, voilà, ça date, le mec, quoi. Ouais. Non, mais c'est pas un problème pour lui. Il a déjà joué, je te dis, comme tu étais jeune. Voilà. Il y a un sacré effectif et la fratrie Barrett, c'est quand même des talents de très très haut niveau. Dans les autres résultats, on n'en parlera pas, mais l'Irlande a battu l'Écosse et l'Écosse devra aller chercher sa qualification contre le Japon, qui est l'équipe organisatrice de cette compétition. Je ne sais pas si Jules avait un dernier mot, mais on va passer ensuite au prochain sport. On a tout dit. Et ben on va passer au sport mécanique pour la première fois de cette saison 5 de Sport & Chill avec la Formule 1 surtout, et puis on donnera peut-être un petit mot de MotoGP, mais on va surtout se centrer sur la Formule 1 et un duel chez Ferrari entre Charles Leclerc et Sébastien Vettel. Ouais, c'est ça, le duel sur le Grand Prix de Singapour. Bon, je vais le résumer d'une façon très simple. Donc on a une victoire de Vettel devant Charles Leclerc et Verstappen qui finit 3ème. Je vais résumer ça, c'est l'undercut de Vettel qui a fonctionné sur Charles Leclerc qui pestait dans sa voiture, pour rester poli, durant la course, qui a continué à râler après la course envers la stratégie de Ferrari. Il a été pro mais pendant la course il a quand même râlé et tout, franchement, mais c'est normal après. Il est jeune aussi, il est jeune, mais bon, je sais que là, on se demandait si Leclerc devenait le numéro 1 chez Ferrari. Pour moi, la réponse, elle a été donnée, c'est non. C'était la question qu'on se posait même avant qu'il y ait le Grand Prix. C'est ça, parce que bon, Vettel, du coup, remporte son premier Grand Prix de la saison, mais il suffit de prendre la phrase de Mattia Binotto, le patron de la Scuderia, qui, avant le Grand Prix, disait « L'important, c'est que Seb garde le moral ». Donc tout est résumé là, c'est Vettel qui privilégie. Tu penses pas que c'est une stratégie un peu en interne de Ferrari? Franchement, Sébastien Vettel, depuis le début de la saison, il était au fond du seau. Il a fait des grosses erreurs de pilotage, il n'était pas du tout en confiance. Est-ce que c'est pas une stratégie pour essayer de rééquilibrer un peu la balance et d'avoir deux pilotes compétitifs et vraiment réélever le capital confiance de Vettel, de le remettre dans la course? Après, tu as le même problème chez Mercedes pour moi sur Hamilton et Bottas. Bottas n'était pas non plus satisfait. Moi, je suis pas d'accord. Franchement, Bottas, c'est pas pareil. Est-ce qu'il soigne pas la sortie de Vettel? C'est pas pareil, mais quand Vettel plutôt. Je trouve que vraiment, là, pour le coup, Vettel, il a fait des grosses erreurs de pilotage et c'était lui le fautif. Ah oui, mais après, Bottas... quand tu es dans une écurie comme ça, avant, quand il y avait Schumacher, tout ça. T'avais le pilote numéro 1 et t'avais le pilote numéro 2. Et de temps en temps, le pilote numéro 2, s'il était bon, il avait le droit de gagner une course. Ouais. Là, on a l'impression qu'on n'ose pas dire et que parfois, c'est pas le meilleur qui passe numéro 1. Ouais, et bah, c'est un peu gênant. Bottas, ce qui peut gêner aussi le grand public, on en a déjà parlé sur ses stratégies de course, parfois surprenantes en Formule 1. Florian, que penses-tu de cette situation dans cette écurie? Je sais que dans d'autres sports, des fois aussi, on peut s'interroger sur le fait aussi, comme l'envisagerait Tim, sur le fait de miser sur deux coureurs à la fois, deux pilotes, là en l'occurrence, pour gagner un championnat du monde. Bah, après, c'est assez incompréhensible chez Ferrari, parce qu'on sait presque que le championnat est terminé pour eux, parce que Hamilton... Ouais, ils sont trop loin. Hamilton est déjà beaucoup trop loin. Et je me demande juste si on soigne pas la sortie de Vettel pour cette année et que l'année prochaine... Le palmarès parle pour lui, finalement. Bah, ouais, je dirais, il est multiple fois champion du monde, mais je veux dire, est-ce que c'est pas la fin de Vettel chez Ferrari? Je sais pas exactement chez les contrats ou quoi que ce soit, mais il semble bien que l'année prochaine, ça sera le Leclerc numéro 1. Tout en sachant que Charles Leclerc. Enfin, Vettel, il vous acceptera pas d'être numéro 2, de toute façon. Non, mais tu verras que ça va se régler au pilotage. Enfin, bon, là, simplement. Ouais. Hein, c'est... Là, la saison est en train de prouver. Tout en sachant que Charles Leclerc était auteur de plusieurs pole positions, a eu du mal au début à un nombre de poles cette saison. Il reste sur deux victoires d'affilée. Donc. Il a eu du mal à donner satisfaction au début, ensuite en course, à confirmer derrière une pole position, mais il l'a finalement relativement rapidement. Il ne faut pas toujours attendre les résultats de suite. Il faut laisser le temps assez rapidement, parce que quand il a eu son problème de moteur, il aurait pu avoir un peu un impact psychologique qui aurait pu l'anéantir. Et il a prouvé qu'il avait du mental, il avait les épaules. Non, je suis d'accord avec Tim là-dessus. En tout cas, à l'image de ce Grand Prix de Singapour, on a quand même un podium avec deux Ferrari et la Red Bull de Max Verstappen. Il se place toujours, Verstappen. Déjà, lui se place toujours. Il semblerait qu'il soit très bon dans les circuits urbains, notamment. Pourtant, il avait fait des essais vraiment. Le meilleur pilote sous la pluie. Hein. Il a fait vraiment des essais très mauvais vers Verstappen et il a réussi à se placer encore une fois devant les deux Mercedes. Non, mais c'est un vrai talent. Hein. Ah oui, oui. Ça, rien à dire. De la F1. Hein. M'énerve. Donc, affaire à suivre pour Charles Leclerc dans son aventure chez Ferrari pour le Monégasque qui a quand même de beaux jours devant lui dans cette formation. Okay. Et puis, même si Hamilton est bien loin, Ferrari semble en mesure d'aller chercher des victoires dans la suite de la saison. À voir si c'est quelque chose qui se confirme ou si très rapidement Mercedes reprend le pas. Juste un tout petit mot pour nos Français quand même. Oui. Pierre Gasly qui a fini 8e quand même et Romain Grosjean 11e. Ce sont de bonnes performances, surtout pour Gasly. Il a eu de la chance, Grosjean, parce qu'il a failli se faire pénaliser plusieurs fois. Et l'accrochage et tout. Il aurait dû se faire pénaliser. Gasly qui recherche la confiance depuis qu'il est chez Toro Rosso qu'il a perdu la place chez Red Bull derrière Max Verstappen. Mais en tout cas, qui semble retrouver le moral et les bonnes sensations en course avec une voiture nettement moins performante. Avant de terminer sur le volet, peut-être un petit mot du Grand Prix de MotoGP d'Aragon. D'Aragon en Espagne, et la victoire d'un certain Marc Marquez. Voilà, il était chez lui, il a gagné devant l'Italien Andrea Dovizioso et Jack Miller. Un classique finalement. Un classique, ouais, les deux Ducati. Notre Français Fabio Quartararo termine lui 5e. C'est vraiment une bonne place. Il n'était pas trop 2 ou 3e en qualif. Si, il était 2 ou 3, il a fait une bogey. Mais honnêtement, sa première saison en GP, on pouvait se demander aussi la question qu'est-ce qu'il allait donner. Bon, il reste encore 5 Grands Prix. Mais moi, je trouve que honnêtement, pour une première saison, il fait vraiment une saison. J'ai presque envie de dire d'excellente facture parce que il a fait plusieurs podiums. Je crois qu'il a été 2 fois 2e et 2 fois 3e en Autriche, aux Pays-Bas et en Catalogne et je ne sais plus où la 2e place à Saint-Marin. Et du coup, c'est vraiment. Moi, je trouve que pour une première, il fait vraiment de très très belles prestations. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais, il a que 19 ans, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. À 19 ans, c'est beau ce qu'il arrive à faire. Ça fait un moment qu'on n'avait pas eu un Français comme ça. Et de voir qu'il arrive à faire des pôles devant tous les tauliers de la grille, c'est impressionnant quand même. C'est bien quand un autre Français ne fonctionne pas trop avec son moteur, Johan Zarco. Il y en a un autre qui prend sa place, tant mieux. Johan Zarco qui va sortir très déçu par contre de sa saison de moto. Ça, c'est quand t'as mauvais moteur en mécanique, c'est fini. Alors qu'on attendait forcément beaucoup de Fabio Quartararo pour sa première saison au vu de ses performances en Moto 2, mais aussi de Johan Zarco qui était sous écurie indépendante et qui court cette année sur KTM. Et au final, ça s'avère un échec pour sa première saison. Il n'y a pas des rumeurs de transfert déjà. En tout cas, paraît-il qu'il ne serait pas bien heureux dans cette formation et qu'il se poserait des questions tant sur sa présence en Moto GP ou en tout cas sur le fait d'être dans cette écurie avec cette moto qui n'a pas du tout donné satisfaction. KTM, c'est quand même un constructeur plutôt motocross, c'est vrai, mais bon, c'est un peu. Tu es quand même dans du top 5 mondial et là, plus du tout. Quoi. Derrière nos Français, en tout cas, on a une concurrence aux abonnés absents. L'inamovible Marc Marquez, il a 300 points. Presque aux abois face à Marc Marquez. Dovizioso en a 202. Il a un bon matelas, il peut boire le thé tranquille pendant les qualifs. Est-ce qu'il y a une réelle concurrence Si je ne me trompe pas, Marc Marquez. Non, je pense non. Marc Marquez peut être sacré lors du prochain. Selon le classement de. Suivant le classement de la course. Selon le deuxième, On attendait mieux, sans doute, des pilotes italiens. Rossi, vu la carrière qu'il a, on ne peut pas forcément lui en demander plus. C'est vieux aussi. Mais je voulais surtout parler. Attends, il est dans le top 8 aussi, quand même. Il est 7e. C'est super fort. Il est 6e. Il est devant Quartararo. Il n'en est pas sur ces Italiens, mais plutôt sur Andrea Dovizioso, qu'on attendait champion du monde et pour le moment qui a du mal à passer ce palier face à ce qui se fait de mieux avec Valentino Rossi dans l'histoire récente de la MotoGP. voire dans l'histoire tout court de la MotoGP. On avait déjà fait un duel là-dessus l'an passé, je m'en rappelle. Et Danilo Petrucci, qui est une des découvertes, mais voilà, qui aura peut-être besoin de plus de temps en MotoGP pour grimper dans la hiérarchie. Marc Marquez devrait être sans problème champion du monde. Et Alex Rins, c'est effectivement une des révélations de la saison. Voilà, il a quand même pointé le bout de son nez, donc on verra pour le futur. Ouais. Dernier sujet du soir, si tu me permets, Alex, concernant le volley et l'Euro volley 2019. Je vais donner la parole à Corentin sur ce sujet en premier. Je sais que vous aviez dû un peu échanger avec Jules sur ce sujet. Okay. Et donc, notamment sur notre équipe de France qui a joué tous ses matchs de groupe à Montpellier. Et Corentin, justement, était à plusieurs de ces matchs. Ouais, avec une super bonne ambiance. Toi aussi, tu as pu voir, Romain, une bonne ambiance et quand même 7000 spectateurs, même si Jules va ensuite faire un petit point spectateur et nuancer tout ce tableau un peu magnifique. Ça sera un peu l'oiseau de mauvaise augure. Il y avait moins de monde à Portugal, Bulgarie par exemple. Et il vous donnera quelques stats qui sont bien sympathiques. Mais bon, pour moi, en fait, l'idée c'était un peu de faire le parallèle avec la Coupe du Monde féminine ou l'Euro féminin de handball qu'on a vu l'an dernier. L'enjeu, au-delà de la victoire, c'est un espoir fou, développer un sport. Donc encore plus de pression pour moi sur les athlètes, dans le sens où ils ont l'enjeu de rendre leur sport encore plus médiatique, même si le volley est déjà un sport, bon, on me dirait dans la deuxième catégorie, voire troisième catégorie des sports les plus populaires, même si, ouais, c'est pas du roller hockey, mais... Non, en France, ils sont clairement actuellement, d'un point de vue médiatique, hein, c'est pas un jugement, derrière le football, le rugby, le handball et même le basket. Le tennis. J'étais sur le sport quoi. Ouais. Ah, oui, okay. Sinon, on peut en citer plus. Donc, toi, Romain, la question, c'était peut-on se satisfaire du parcours de l'équipe de France lors de l'Euro de volley ? Pour moi, il faudra une victoire. Il faudra une victoire, c'est la victoire, sinon rien, parce que pour moi, les Français n'aiment pas forcément le sport, ils aiment gagner, en fait. Je vais prendre l'exemple du handball. Pour moi, le handball a aussi réussi à se médiatiser grâce à des générations qui gagnent, et qui fait qu'au bout d'un moment, il y a un engouement... populaire et le volley s'en sort pas si mal, puisque très longtemps on a été assez mauvais, enfin en dessous de l'Italie qui était, ou de la Russie ou de la Pologne qui était première division. On est encore en dessous de ces clubs là, enfin de ces nations là. Oui, on l'a gagné, mais bon, c'est un peu comme le Brésil au football, t'as une histoire. On verra demain soir en quart de finale. Ouais, voilà. Sachant qu'en plus ils ont eu une petite maladie, les Italiens. Mais bon, c'est peut-être un peu de bluff. Et donc la France a quand même gagné en 2015 l'Euro plus la Ligue mondiale, et encore en 2017 la Ligue mondiale. Donc pour moi, la victoire à la maison, elle est impérative, mais ça sera qu'une première étape. Et c'est ce qu'on disait un peu avant l'émission avec Jules. Pour moi, ça passe par les JO, obligatoirement. Il faut réussir à aller chercher une breloque au JO, une médaille de bronze. J'adore ce mot. Ouais, c'est moi celui-là. Une petite médaille de bronze par-ci par-là. Un bibelot. Voilà. Non, mais c'est vrai. Comme je disais, un peu comme avait fait le basket avec la médaille d'argent. Même si Jules a tout de suite nuancé en disant que le basket c'est pas si populaire que ça en France. Ça fait partie de ces sports qui ont besoin des JO pour se faire voir. Pour exister, ouais, c'est clair. Et ce que Laurent Tilly disait il y a pas longtemps, pour qu'on parle de nous, il faut qu'on fasse l'exploit, quoi. Donc, donc l'enjeu, c'est le problème, c'est qu'il y a eu un tournoi intercontinental pour se qualifier au JO, et en faisant simple, la France a fini deuxième derrière la Pologne. Donc il y aura une deuxième chance en janvier. Il va vraiment pas falloir la foirer. Il y aura eu 8 nations. Et il faudra finir premier, donc sachant qu'il n'y aura pas l'Italie, la Russie et la Pologne, et ce ne sera que des nations européennes. Ça devrait le faire, mais il faudra le faire. Et ça passera pour moi par un exploit au JO qui va être très compliqué, puisque je vous rappelle, la dernière performance donc en 2016, c'était 9e. Et au-delà de ça, je vois mal un engouement vraiment naître dans les villes. Si on prend l'exemple du football féminin, pour clore, on est toujours à moins de 1000 spectateurs, tandis qu'il y avait quand même 12 millions de personnes devant leur télé. On en est très loin, hein. France-Bulgarie, c'était devant 500 000 personnes en volée. Donc 12 millions, 500 000 personnes, c'est pas la même. Donc de là à croire que Montpellier volée va bénéficier de l'Euro, j'ai du mal à y croire, sachant que, comme on disait avec Jules, on est entre le championnat du monde de basket et entre la Coupe du Monde de rugby. Donc ouais. Non, mais là vraiment t'as la Coupe du Monde de rugby en même temps que l'Euro, quoi. Donc Jules, après moi je me suis plus concentré sur tout ce qui était l'impact du volley en France, du championnat de France et de ce qu'on peut voir actuellement sur l'Euro volley. Donc j'ai pris quelques chiffres. On a vu qu'il y avait des problèmes d'affluence, notamment à l'Arena. sur la phase de poule. C'est certainement dû au prix des places qui ont été jugées un peu trop élevées, entre 20 et 90 euros. Pour un sport pas très populaire et qui a besoin de se montrer, c'est peut-être un peu trop élevé. L'affluence moyenne de l'Arena lors des matchs de l'équipe de France, ça a été 5000 personnes sur 8000. Donc quand on compare au basket en 2015, où l'Arena avait accueilli aussi, où c'était à chaque fois plein, on voit qu'il y a encore du chemin à faire pour le volley. Ensuite, les organisateurs ont rétorqué sur le prix des places que l'euro coûtait cher à organiser et que c'était une stratégie à long terme, qu'à long terme les clubs allaient en profiter. Et il faut rappeler que la France n'avait rien organisé sur le volley depuis l'Euro 79 et ils ont aussi organisé le Mondial 86. Donc on sait que souvent le succès d'un sport, ça passe souvent par des succès à domicile. Le hand l'a fait, le foot l'a fait, le rugby a failli le faire. Donc on voit ça aussi. Et après au niveau de la Ligue A, le championnat français, qui est clairement en retard des autres championnats, l'équipe TV le diffusait de 2015 à 2018. Ils ont arrêté la diffusion. Faut se rendre compte que l'équipe donnait 250 000 par saison à la Ligue, ce qui est pas énorme quand on compare avec le foot, le rugby ou d'autres sports. Et on se rend compte que dans le sport, souvent c'est les droits télé qui font la différence, qui apportent du budget à des clubs, qui donnent du pouvoir d'achat entre guillemets du pouvoir d'achat sur le marché des transferts. Et sans ce pouvoir d'achat-là, les clubs français ne peuvent pas se payer les internationaux, justement. Les Ngapet, les Grebennikov, qui préfèrent plutôt se tourner vers la Ligue polonaise, la Ligue russe ou la Ligue italienne, où il y a beaucoup plus d'argent. Et si on n'a pas les têtes d'affiche françaises en Liga, on a moins de monde dans les salles. Et du coup, c'est un cercle vicieux qui se met tout le temps en place et qui vraiment, ralentit le volet dans sa progression. D'ailleurs, on voyait l'effet de la présence de ces joueurs dans les matchs de l'équipe de France, par contre, à l'Arena. On témoigne le match contre l'Italie. Quelque chose, moi, juste qui m'a surpris, on va terminer cette partie volée, j'allais dire, c'est même notre rubrique débat, le côté très spectacle. Je sais que j'étais avec Flo et Vincent aussi, anciens chroniqueurs de l'émission, au match, avec des musiques entre tous les points. Alors je me doute que c'est pas du tout comme ça au Palais des Sports de Castelnau pour le MCVUC, mais c'était assez surprenant ce côté chaud à l'américaine. Alors je ne sais pas si c'est juste l'Arena ou propre au volet international. Et puis un autre élément un peu surprenant et que je retrouve souvent dans des sports plutôt de la seconde génération des sports co-médiatisés, justement, c'est ce côté compétition dans plusieurs villes et plusieurs pays qui, de mon point de vue, dilue un petit peu finalement l'audience et le retentissement. Là, c'est très surprenant comme organisation quand même. On a Montpellier, Nantes et Paris en France. On a ensuite deux ou trois villes aux Pays-Bas, deux villes aussi, je crois, en Belgique, et enfin Ljubljana en Slovénie. C'est quand même une organisation particulière. Quoi. Après, bon. Ils ont choisi des pays dans un pot et puis ils ont tout mis ensemble. Moi, une dernière réaction. Je trouve pas ça bête en vrai. Hein, parce que, comme il dit, Jules, on aurait 500 personnes sur un Slovénie-Luxembourg, je dis un truc bizarre. Hein. Alors que là-bas. Si vous allez regarder les stades, par exemple à Ljubljana, la salle fait plus d'audience que la salle à Montpellier, fait plus entre 8000 et 9000 qu'à Montpellier. Bah, en même temps, c'est la capitale. Montpellier n'est pas une capitale, donc bon, on peut imaginer. Là, même taille que Montpellier, oui. Mais bon, pour moi, je trouve ça assez logique, même si je suis d'accord avec toi, ça, on n'a pas une délégation de Slovènes à Montpellier, mais à la fois, est-ce qu'on l'aurait vraiment, quoi ? Est-ce qu'on aurait vraiment des supporters slovènes qui seraient venus jusqu'à Montpellier supporter leur équipe ? Je suis pas sûr. Après, juste pour clore le débat, Romain, que si, hein, pour moi, c'est un peu une question de sport, parce que j'avais assisté à l'Euro de basket en 2015. Et pour le coup, ce que tu dis, ça s'était totalement avéré. T'avais plein de Finlandais, t'avais des Israéliens, il y avait vraiment des gens qui venaient de très loin, alors que c'était une période de l'année où c'était pas forcément propice, enfin c'était pas du tout en été, période estivale. Et il y avait, par exemple, je me souviens d'un match Finlande-Israël, il y avait 7000 Finlandais dans le stade. C'est quand même assez incroyable. Donc je pense que c'est un peu. C'est la Coupe du Monde féminine l'année dernière, un petit peu aussi. Ouais, c'est une question de sport, d'affluence et de population par amour du sport, je pense, hein, tout simplement. Hein. Les Slovènes ne sont pas particulièrement, par exemple, des grands amoureux du sport, c'est pas une grande nation de sport. En tout cas, des efforts sont encore à faire en dépit de la communication pour arriver à faire marcher cet Euro volley et toutes les compétitions internationales de volley. Mais on vous conseille, bon là c'est plus à Montpellier pour ceux qui ont le moyen de se déplacer jusqu'à Nantes ou à Paris, de voir l'équipe de France ou tout simplement de voir sur la chaîne dédiée de la TNT les matchs qui sont retransmis. Et pour le coup, l'équipe de France, même en match de poule contre l'Italie, et j'ai envie de dire heureusement, était diffusée alors qu'il y avait événement sur lequel on reviendra, la Ligue des Champions en même temps, et qu'ils ont tendance maintenant à faire des soirées spéciales, etc. Même le Paris Saint-Germain qui jouait ce soir-là. Donc il y a quand même des efforts qui sont faits en la matière, et c'est un sport très plaisant, et voir évoluer Erwin N'Gapet, Le Goff, Stephen Boyer, tous ces joueurs, ça vaut quand même clairement le détour. On souhaite bonne chance à l'équipe de France, dont le prochain match, après sa qualification du coup en 8e de finale contre la Finlande et son sans faute en match de poule, aura lieu contre l'Italie, déjà rencontrée, victoire 3-1 à Montpellier, en quart de finale de cet Euro volley, et on espère, et ce sera nécessaire en tout cas si on veut parler encore plus de volley, que l'équipe de France ira au bout dans cette compétition. On passe tout de suite à notre rubrique Sport Montpellier 1. Jingle. Sport and Chill, le sport Montpellier 1. Sport Montpellierin avec un bilan beaucoup plus positif que la semaine dernière, même si on n'a encore pas toutes les équipes qui sont en activité dans notre belle ville de Montpellier. Tu m'as fait rire la semaine dernière, bilan mitigé, 6 défaites, 2 victoires. Il n'y a pas du tout nuancé, quoi. Quel coquin. Ouais, bah parce qu'il y avait quand même des... Sans justement revenir sur le débat médiatisation, mais des victoires d'importance. Oui, ouais. C'est vrai. Notamment pour le MHSC face à l'OGC Nice, rappelons-le. Donc 4 victoire cette semaine, un nul, une défaite, donc on avait 6 matchs pour nos équipes de Montpellier. Comme traditionnellement, on reviendra sur le match du MHSC cette fois-ci dans notre focus, parce que le focus sera dédié au football masculin. Et avant cela, en bref, quelques petits résultats, et ce qui explique aussi qu'on est passé en positif au niveau de la balance des victoires, des victoires-défaites, c'est le MHB qui était auteur de 2 défaites la semaine dernière, et cette fois-ci qui nous a offert 2 victoires pas facile, mais qui permettent aux handballeurs montpelliérains de repartir de l'avant cette semaine. Ils nous avaient déçus, ils ont désormais haussé le ton pour le classique du championnat de France. On avait eu un quiz avec tous les classiques, il en faisait partie. Je me rappelle l'année dernière avec Flo, le MHB rencontré mercredi dernier au Palais des Sports René Bougnol Chambéry, avec l'objectif de remettre la marche en avant après le revers subi à Nîmes lors de la dernière journée. Les montpelliérains y seront parvenus avec une victoire 28-27 acquise en toute fin de match. À noter que nos joueurs auront joué à se faire peur alors que l'écart s'est été créé, 25-21 à la 48e minute. Il traverse un terrible temps faible qui permet à Chambéry de virer en tête à l'approche du Money Time sur une série de 6 buts à 1. 26-27 pour Chambéry à la 55e. C'est à ce moment-là que Marine Sego, qui n'a pas fait tant d'arrêts dans le match, mais devient décisif avec 2 arrêts qui permettent au Montpellier de sortir vainqueur de ce duel sur le score de 28-27. Gros début de saison du nouveau gardien de Montpellier. Une délivrance pour tous les supporters du MHB, cette victoire. Le MHB est pour le moment 7e de Lidl Star League, mais c'est assez anecdotique, hein. On a eu 3 rencontres à égalité de points avec le 3ème, Nîmes, mais aussi Nantes, Toulouse et Istres. Pour le titre, ce sera forcément plus compliqué avec la défaite contre Nîmes. 2ème match du MHB, je vais peut-être laisser réagir Flo juste très rapidement sur celle-ci. On avait eu une défaite contre le Vardar la semaine dernière, cette fois-ci victoire pour le MHB lors de la 2ème journée de la Ligue des Champions. Nos joueurs confirment leur très bonne semaine avec un succès à l'extérieur face au Biélorusse du Mechkov Brest 27-25. À l'issue d'une partie globalement maîtrisée, les Montpellierains auront fait la différence après la 50e minute alors qu'ils étaient revenus à 21 partout sur un shoot de Simonet. Les Héroltais terminent le travail au cours des 10 dernières minutes, porté notamment par Melvin Richardson, Diego Simonet et Yanis Len, joueurs en forme du début de saison de Montpellier. Montpellier est actuellement 5ème de la poule B, donc avec une victoire et une défaite. La saison du MHB tourne-t-elle dans le bon sens avec cette belle semaine, Flo ? C'est vrai que sur le plan comptable, elle ne tourne pas bien, parce que c'est vrai qu'au niveau statistique, c'est pas super. Mais après, les matchs qu'il faut gagner, ils sont gagnés, parce que là, Mechkov-Brest, c'est quand même un cran en dessous quand même que le Vardar, qui est champion d'Europe en titre. Donc la défaite, même à domicile contre le Vardar, était presque logique. Et pourtant, Montpellier a montré un beau visage à ce moment-là. Et puis après, en championnat, on se tape quand même Chambéry et Nîmes, qui sont quand même deux équipes émergentes pour Chambéry, qui revient, parce que c'était une grosse équipe avant. Mais Nîmes, qui est une équipe émergente, et en plus dans un derby, et en plus à l'extérieur. C'est pour l'instant, c'est tout à fait logique les résultats de Montpellier. On aurait pu voir un petit peu mieux contre Nîmes, mais c'est déjà pas mal. Seulement une réaction, je me permets, hein, sur ces résultats. En bref, pour parler un petit peu plus du MHSC, sachant que nous avions un petit délai. Donc le MHB, en tout cas, qui repart de l'avant et qui a les moyens de nous faire une belle saison et de sortir des poules, on l'espère, en Ligue des Champions cette année, qui a en tout cas battu un concurrent direct. Un groupe direct. Plus facile, déjà. Et avec un groupe plus facile, quand même, que l'an dernier. Après, pour Montpellier, voilà, en championnat, ça semble être la course à la deuxième place qui se prépare avec des beaux concurrents en phase 2, en tout cas à l'image de Nantes, de Nîmes ou encore de Chambéry qu'ils ont battu ce week-end, enfin dans le courant de la semaine, pardon. Côté féminin, on avait le MHR féminin qui a joué, les masculins faisaient relâche et pouvaient regarder la Coupe du Monde, mais ce dimanche après-midi, le MRC a réalisé une performance de haute volée, j'ai envie de dire encore une fois, face au Stade français Paris avec une victoire 62-3 au Stade Sabaté. Menant déjà 19-3 à la mi-temps, les Montpellierennes ont déroulé tout au long de la partie, ont passé pas moins de 10 essais aux joueuses de la capitale avec notamment un triplé de Safi Ndiaye et deux essais de Roman Ménager. En revanche, côté hockey sur glace, c'est la soupe à la grimace avec les Vipers de Montpellier depuis le début de la saison. En déplacement à Marseille face aux Spartiates pour la troisième journée de D1, les hockeyeurs montpelliérains ont sombré loin de leur base pour une défaite 7-1. Ils restent scotchés avec 0 points au fond du classement. Pour les Vipers, il faudra absolument se reprendre samedi prochain face à Nantes, à la patinoire Vegapolis. En ouverture enfin de la proie de waterpolo, le MWP s'est imposé à l'extérieur face au club nordiste de Douai. Ça te parle forcément, Florian, sur le score de 12-9. Sur le score de 12-9. En tête de 2 buts à l'entame du 4e quart-temps, l'équipe de Douai a perdu le fil en fin de match alors que les Montpellierens ont haussé leur niveau de jeu pour remporter leur premier succès de la saison dès la première journée. De bon augure donc pour la suite de la saison avec le plein de confiance fait à l'extérieur. Un petit mot enfin d'un événement et je pense que ça fera forcément plaisir à Flo, c'est le Z-Event en e-sport qui avait lieu du côté de l'Arena et qui a été du à nouveau une réussite du Quorum, pardon, ouais, ça change. C'était l'Arena la dernière c'est fois. L'Arena l'année dernière. Donc d'où mon erreur. Donc 4e édition du Z-Event avec donc événement e-sport avec ses têtes d'affiche, le streamer montpellier Zerator, Gotaga ou encore le youtubeur Squeezie, parmi pas moins de 56 streamers, j'allais pas tous les citer. Ils avaient déjà récolté plus d'1 million d'euros pour Médecins sans frontières l'année dernière, et à Montpellier les gamers ont explosé leur record. L'Institut Pasteur reçoit plus de 3,5 millions d'euros de promesses de dons à l'issue de ce week-end e-sportif. Derrière Z-Event se cache Adrien Nougaré, l'organisateur, dit Zerator dans le milieu des jeux vidéo, une référence de la discipline en France. Plus de 600 000 personnes ont suivi l'événement au cours de la soirée de dimanche. Débuté vendredi soir, l'événement est parvenu à enregistrer 400 000 euros en l'espace de 5 heures, soit l'équivalent de la somme récoltée en 2017. C'est une grosse réussite en 53 heures de jeux vidéo non-stop. Et on reparlera donc sûrement d'e-sport cette année, mais en tout cas, on ne peut que féliciter l'ensemble des participants et des organisateurs pour cet immense comme succès quoi, au profit d'une œuvre caritative. N'isole pas. L'Institut Pasteur et le jeu vidéo n'isolent pas forcément. Après, on met en valeur l'e-sport. Ça peut faire discuter. On avait discuté l'année dernière avec Boris Bergerot de la société Stackern. Mais ça crée on des turbines des débats hein, cette année. Ironie, bien sûr. Il y aura de quoi parler. Et je sais que Florian, passionné de sport, est très intéressé par le milieu des jeux vidéo et l'e-sport. Moi aussi. On va passer tout de suite au MHSC et je laisse la parole à Corentin sur notre club qui jouait un match important contre l'Olympique de Marseille cette semaine. Ouais, un match contre l'Olympique de Marseille, mais on sait tous, hein, ce week-end c'est le derby, enfin ce week-end, mercredi, trop l'habitude, mais bon. Et, horaire d'ailleurs très sympa, hein, ce petit 19h très intelligent un mercredi pour un derby. Et merci la LFP1. Et merci pour l'embouteillage. Ouais, il va falloir venir à la Paillade en vélo. En vélo, c'est clair. Voilà, c'est conseillé. Alors, je voulais juste revenir un peu sur le début de saison de Montpellier pour expliquer pourquoi ce match était important. Puisque pour moi, le MHSC est dans une saison charnière. La 6e place l'an dernier a conforté Laurent Nicolin dans ses ambitions, presque ambitions européennes, être dans le top 10, entre guillemets. On a recruté Savanier, qu'on a acheté quand même 10 millions d'euros. C'est quand même 40% de plus que notre précédent record, Daniel Congré. Et sachant que TJ a quand même 27 ans, on a quand même peu de chances d'arriver à le revendre cher. Donc en fait. Oui, mais bon, c'est pas la question du jour. Mais du coup, mon point, c'est que c'est compliqué pour Montpellier de rivaliser avec ses concurrents. Pourquoi ? Parce que Montpellier n'est pas un club qui a derrière lui un investisseur qui vient pour faire ce que j'appelle des clubs à investissement, en fait, qui vient faire du trading, comme on pourrait dire maintenant Nice, Bordeaux, bon, Bordeaux dans une moindre mesure, ouais. Marseille, Lille est l'exemple moderne, Monaco a longtemps été l'exemple adéquat, mais on n'en a pas quelqu'un qui vient pour investir par exemple 25 millions sur Dolberg pour essayer de le vendre derrière. C'est ce qu'on a toujours dit, c'est que Montpellier ça reste un club familial. Oui, mais quand qui, tu. Qui le dessert parfois, c'est sûr. Mais l'enjeu, c'est trouver une voie dans le mercato pour concurrencer ces clubs qui ont plus d'argent que toi pour jouer le haut de tableau. Quand tu dis je joue le haut de tableau, tu vas forcément te retrouver en concurrence avec ce type de club et tu n'as pas du tout les c'est mêmes moyens. Il faut être intelligent en mercato du Donc, coup. Si on reprend le mercato et justement. Le centre de formation aussi qui est une force de Montpellier. Si on reprend le mercato, quand même ces dernières années, on avait quand même été très bons. Moukielé, Roussillon, dans une Laborde, Delors, Lecomte. On a vraiment beaucoup d'exemples. Aguiar. Mollet, c'est une bonne trouvaille. Mollet, voilà. Même Hamilton, même si ça fait longtemps. Ouais, carrément. Il y a eu des erreurs, hein, Pierriz. Coucou. Ouais, mais il y a plus de réussite que d'erreurs. Oui, voilà. C'est ça, et c'est très rare dans le football. Ouais. Tu avec Pierriz. Herrera. Mais Herrera, c'était un peu plus longtemps. Et donc, l'idée, quels étaient les enjeux cette année ? Vraiment, c'était changer de gardien, puisqu'on allait perdre Lecomte. Et donc, on a trouvé Rouli, qui est déjà adopté par les supporters, qui le voit comme le meilleur gardien du monde. Ouais, après, j'ai peur que Rouli, au bout d'un moment, ils soient un petit peu en roue libre. Oh, facile, mais osé. Bon, osé. Il fallait le faire. En plus, il est satisfaisant. Souquet, qui a été pour remplacer Aguiar. Je disais aussi, Souquet, les Artimus, ça veut rien dire. Pour remplacer Aguiar, c'était insupportable. Il est compliqué. Hein. Oh, elle est belle celle-là. Le gérer à 100% du temps, c'est très compliqué. Et donc Souquet qui a remplacé Aguiar plutôt bien, même s'il a quelques errements défensifs par ailleurs. Donc ce petit match à Marseille, ils nous ont montré ce que je vous disais déjà la semaine dernière, le Montpellier à deux visages. Donc là, on a été le Montpellier clairement un peu Dr Jekyll, où on a fait que défendre, vraiment pas très esthétique. Ça me rappelle un club hier soir, ça. S'il y a des supporters marseillais qui voient que Montpellier cette fois-là, ils vont se dire ah oui, bonjour. Mais c'est les équipes de Derzac, elles font que défendre. C'était une purge, mais bon, voilà. Vas-y, continue. Voilà le cliché classique, Derzac, ça fait que défendre. Sauf que dans la réalité, on a eu quand même un début de saison où on a quand même été capable de produire du jeu. On a gagné Lyon dans le jeu, on a gagné Nice dans le jeu, et c'est pas des petites équipes, tandis que d'habitude, c'était plus sur du hold-up. Donc bref, tout ça pour vous dire pourquoi. Pour vous dire que dans cette saison charnière, le match contre le Nîmes Olympique est un match charnière. Pourquoi ? Parce qu'actuellement on est 12e, on est à 3 points de la 6e place, qui nous fait rêver pour retrouver cette Ligue Europa, on va dire. Et si on gagne... C'est tôt là quand même pour se positionner. C'est tôt. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour remonter au classement, dans une moindre mesure. Attends mon point. Si tu perds contre le Nîmes Olympique mercredi, tu es quand même très très distancé par rapport à Lille et tu as peu de chance pour moi de revenir. Même et puis si pour les Montpellierens, c'est la fin du monde. Voilà. Oui, voilà. D'accord. Pour le contexte du match, tu veux oui, dire. Oui, pour le contexte du match. Non, mais le contexte du match, c'est déjà un moment clé parce que vraiment, tu as montré de belles choses sur le terrain, tu as fait des bons matchs contre des bonnes équipes, mais comptablement, tu n'as pas été très bien payé. À voir sur ce que ça donnera sur long terme, et tu as raison. Bon, sachant tout ça, il faut savoir que Montpellier contre Nîmes va quand même faire sans Ferry, qui a provoqué une jolie générale. Hein. On a vu des jolies générales hein, en rugby, c'était intéressant aussi. Et on va devoir faire aussi sans TJ Savanier, évidemment, comme tu as dit. Et en plus de ça, sans Pedro Mendes. Donc l'idée, en fait, la question que je voulais vous poser très rapidement, vu qu'on est ultra à la bourre, c'est que face aux soucis de milieu, donc on va aligner Le Talec et Mollet, mais qui pour les accompagner ? C'est-à-dire, est-ce que vous diriez Restich, Dolly, Chotard, Sambia, Adouyev? C'est compliqué. Putain, Sambia, voilà. C'est terrible. Ouais, donc là, c'est vraiment la question sur un match aussi important. Je vais peut-être laisser Florian, Tim, donner son avis. Et puis juste, Alex fera une remarque sur qu'il voulait placer juste avant. Et puis, on passera à notre pause musicale. Moi, je trouve que Dolly est assez intéressant quand il rentre. Il a cette capacité de percussion. C'est un joueur qui a une bonne frappe. C'est un mec du centre de formation Montpellier. Donc, il sera. Non, pas du centre de formation. On l'a recruté en Afrique du Sud. Ah bon ouais. Oui. Okay. Oui, oui, oui. Pardon, désolé, Eratum. Mais qui gagne Dolly enfin, toujours aussi que je trouve intéressant c'est dans ses rentrées. Et voilà, c'est bien. Je suis enfoncé avant, je passe la parole. Et on espère que Montpellier battra bien sûr le niveau olympique. Une dernière remarque, Alex, sur, oui, par rapport à la, sur le match. Non. Par rapport à la saison globale de Montpellier, moi je pense que l'effectif de Montpellier, enfin je suis pas supporter de l'OM, mais je les ai vus jouer plein de fois la dernière et tout. Franchement, c'est quand même le trio offensif qui est très bon. Pour moi, Montpellier, c'est une équipe qui a un effectif qui est au minimum top 8, qui peut même faire top 6, top 5 tous les ans. Parce que pour moi, je suis désolé, vous êtes pas plus faible que Saint-Etienne ou que Rennes. Donc franchement, faire une 6ème ou une 5ème place, c'est le banc qui manque, bien sûr. Vous avez une belle équipe et ils vous défendaient très bien. Moi, j'étais un petit peu déçu de la production contre Marseille parce que je sais qu'ils peuvent faire plus, notamment en contre. C'est très bien. Non, franchement, pour moi, 5ème, 6ème, même 4ème, c'est pas du tout impossible pour Montpellier. Vous avez une belle équipe. En tout cas, c'est pas les mêmes investissements. Quart de finale de Ligue des Champions, c'est possible. Hein. Je te reprends juste sur le chaque saison. Après, sur cette année, je suis assez d'accord. À 6ème chaque saison aussi. Non, c'est pas possible. Structurellement, économiquement, pour moi, c'est pas possible. Si tu prends Rennes, ils ont Pinot derrière. Pinot qui met pas un centime. Oui, qui met pas un centime. Bah, 15 millions sur Niang. 25 millions sur Rafinha. Ouais, t'as vendu 35. Fais te mettre en énorme danger si tu fais ça. Je rappelle les ventes qu'on fait Montpellier, ils ont jamais réinvesti autant d'argent. Messieurs, on en reparlera dans le fil de la saison. En tout cas, ça fait débat. Surtout qu'on a du retard ce soir et que la semaine prochaine, on aura forcément l'occasion de parler beaucoup du MHSC. Avec le derby qui a lieu mercredi soir, je le redonnerai dans l'agenda, entre le Montpellier Hérault Sport Club et le Nîmes Olympique du côté du stade de la Mosson. Et on espère que Montpellier fera la meilleure saison possible. On prend tout de suite notre première pause musicale et il faudra qu'on soit très bon comme Montpellier, tu vois, parce qu'on a pris du retard avec le titre de Disliner Panda. Panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, wait and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. This nigga bullet your bandit. Killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, way see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacy, family, way see, family. Packers full, Danny, selling ball, candy. May not the macho like Randy, the chopper go out to for granted. This nigga pull out your family. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, twisted up lean and shit, sippin' Fanta. Credit cards in the scammers, wake up Versace shit, let designer, whole bunch of leather shit. They be acting rats, I know we clapping shit. I be pulling my stuff in the finest shit. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try this shit. Black and six, Fanta, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla. They come and kill you with bananas. For feelers, I feel it, pull up in the finer. No niggas, they come and kill you on the comic. But bully is dancing bigger than the pound. They go out to the Grammy, but bully, you find it. Fuck up, I'ma flip it. I got bitches pull up in the giddy. I got niggas that's counting for digits. Say you make you a lot of new money. No killers pull up in the inner baby. CTDD pull off in the killer, baby. Cola fill it, pull up, gon' fill it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, we gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shit it. This how I live. Did it all for a ticket. I plant the bombs when he spinning the Bobby go trending. The dawn doing business in the break, fucking up shit. Is she doing the minute? I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are split. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted to lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers and the hammers. Legacies, family. Wait and see, panda. Packers war, Danny. Selling ball, candy. Been at the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Big nigga bullet, you bandit. Hope killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Wait and see, panda. Packers full, Danny. Selling ball, candy. Been at the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your banner. Hope you killers understand me. Panda. Panda. Panda. Panda. Qu'est-ce que tu le fais bien, Flo? De retour sur Sport & Chill, vous êtes sur Radio Campus Montpellier, le 102.2 FM. Et c'était le Desliner, son... Panda. Il y a 3 ans, une sorte de réminiscence, un petit peu un son dans l'optique trap, si on peut dire. Bien sympathique ce son d'ailleurs. Vous verrez avec Tim, comme toutes les saisons, qu'on va vous régaler et vous proposer plein de petites découvertes d'ailleurs, musicales. On verra bientôt la playlist avec tous les sons qu'on a pu partager depuis le début. Yes. Ouais. Oh là là, c'est ambitieux. On devait le faire depuis longtemps, on va le faire. C'est un projet et on va le faire. On passe tout de suite au débat de la semaine. Jingle. Sport and Chill, le débat de la semaine. Et le débat de la semaine, c'est Flo qui va prendre les devants sur ce débat. Un débat qui nous permettra de parler de la situation et des perspectives de nos clubs français dans les coupes européennes. Exactement. Et tout particulièrement en Ligue des Champions, on en a 3 cette année. Exactement, donc cette semaine c'était le début de la plus grande compétition de football, ou tout du moins pour les clubs. Une compétition qui nous a fait rêver, plus que d'habitude encore. Mais on se rappelle des dernières années des grosses phases finales en Ligue des Champions. Donc cette compétition qui est revenue au goût du jour, évidemment. Le public français ne pouvait qu'être enthousiasmé après ces matchs pareils, et pourtant très peu de matchs quand même concernant nos clubs français. Dernièrement, on pourrait donner peut-être une exception ces dernières années, mais encore, est-ce qu'on peut dire que c'est français tant Charles Leclerc veut être monégasque? C'est bien sûr l'AS Monaco qui a fait une belle performance il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc qui a un peu donné une des rares éclaircies dans le sombre paysage européen-français. Après, il y a aussi les petites Coupes d'Europe, hein, l'Europa League, qui a vu également quelques belles performance d'un club phocéen, l'Olympique de Marseille, ou encore du demi-finale de l'autre Olympique, pas nîmois évidemment, mais bien lyonnais. Et cette année en 2019, oui, une petite pique, hein, il faut lâcher un peu Nîmes. Cette année en 2019, les cartes sont à nouveau redistribuées, avec 5 clubs en lice, l'Olympique lyonnais, le LOSC, le PSG, donc en Ligue des Champions, et 2 en Europa League, l'AS Saint-Etienne et le Stade Rennais. Il y a déjà Strasbourg qui a été éliminé en barrage contre Francfort dans le Vurtico. pas facile d'ailleurs, hein, ce petit tirage contre Francfort, mais bon. Ils ont bien figuré quand même. Ouais. On va commencer donc avec les clubs français en Ligue des Champions. Il y a un score à l'équilibre pour l'instant, donc avec une victoire, un match nul et une défaite. Et d'ailleurs, 4 buts marqués contre 4 buts encaissés pour les clubs français cette semaine. Je vous propose de commencer par le pire. Ça me fait plaisir de commencer par le pire, les Lillois, qui se sont inclinés 3-0 contre l'une des surprises de l'édition précédente, l'Ajax Amsterdam, sur les terrains de la Johan Cruyff Arena. Avant de parler du groupe en soi, est-ce que ce résultat, le 3-0, vous a surpris? Non. Non, mais par contre, j'ai été surpris de la prestation lilloise. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, le pire, c'est Lyon. Parce que moi, le match sur de Lille. Sur le plan comptable. Ah, sur le plan comptable, oui, mais franchement, ça se joue à pas grand chose. Ils peuvent mettre le but avant la pause. Ça joue à 4 buts, ouais. Non, franchement, Lille a des situations très nettes. Et ça aurait pu faire 3-2 ou même un match nul, pourquoi pas. Non, franchement, je veux dire, ils ont quand même élu Onana, qui est le gardien de l'Ajax, joueur du match. C'est quand même qu'il a eu du travail. Ouais, donc non, et gros match de Benjamin André pour une première en Ligue des Champions. Au milieu, il a fait un gros match. Moi, les Lillois, ils ont perdu, mais ça, moi, je m'y attendais. Et franchement, moi, je pensais qu'ils seraient beaucoup plus faibles que ça. Vraiment. Le LOSC donc figure dans le groupe de l'Ajax ainsi que Valence et Chelsea, le club espagnol ayant fait la surprise pour la première journée en s'imposant à Londres. Est-ce que je vais être un peu dur avec les Lillois, hein, vous connaissez, est-ce que avant les matchs avant le début des matchs et donc la phase de groupe là, est-ce que le sort de Lille était déjà scellé? Je pense que ce qui a fait défaut à Lille d'entrée, malgré le fait que, comme tu l'as dit Alex, il y a eu un bon contenu, c'est l'inexpérience. Même si l'Ajax, c'est une équipe qui se rénove un peu chaque année, ils ont perdu pas mal de bons joueurs. Si tu regardes, c'est une institution qui bouge pas. Le système de jeu est toujours le même, l'entraîneur est resté. Donc il y a vraiment une cohérence et un projet qui reste, qui est stable. À Lille, tu as plein de nouveaux joueurs. T'en as, sur le 11 de départ, j'aimerais bien savoir combien on joue avec des champions, il me semble qu'il y en a zéro. Non, il y a Renato Sanchez, mais pour moi, ça a été l'un des plus mauvais. Ouais, c'est voilà, Renato Sanchez, moment, déjà, il a été à un poste qui n'est pas le sien. Il a quasiment jamais joué au Bayern. Il a très peu d'expérience avec des champions. Donc, je pense que c'est une inexpérience. Et ça se matérialise d'ailleurs par une inefficacité devant le but, pardon, qui, à ce niveau-là, tu le payes cash. Mais au-delà de ça, pour moi, l'Ajax était quand même au-dessus dans le jeu. Qualité, et même sur les 11 de départ, l'Ajax, ça reste au-dessus de Lille. Est-ce que c'est raisonnable de penser que Lille peut faire quelque chose dans ce groupe? Oui, je pense qu'ils peuvent, accrocher une troisième place. Ouais, hein, c'est ça que je voulais dire. Parce que c'est la troisième place et après un parcours. Dans leur stade poussé par leur public, il y a quand même des sacrés talents dans cette équipe-là. Et je pense qu'ils peuvent viser la troisième place. Après, se qualifier, ça sera un peu plus compliqué, je pense. Mais la troisième place, c'est. Ça dépend comment ça se goupille dans les prochains matchs. Après, sur Valence. Chelsea, mais après Valence, ils ont quand même des gros problèmes en interne. Est-ce qu'à un moment donné, ça va pas se répercuter sur l'équipe? C'est quand même le propriétaire qui fait l'équipe. Donc au bout d'un moment, ça peut jouer aussi. Hein. Ouais, mais donc, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Troisième place maximum pour l'instant. On passe peut-être à notre club directement avec le match nul. Vous avez dit peut-être le pire des matchs pour les clubs français. C'est entre l'Olympique Lyonnais et le Zénith Saint-Pétersbourg, un but partout dans un groupe avec Leipzig et Benfica. Le groupe peut-être le plus homogène de cette phase de poule de Ligue des Champions. Très clairement. Parlons cette fois-ci plus du match contre les Russes. Un résultat assez amer pour les Lyonnais tout de même à domicile. L'année dernière, Lyon sortait les grosses performances contre Manchester City. Et quand on connaît la tendance de Lyon à se rater contre les équipes moyennes, notamment en Ligue 1, on se demanderait presque si Lyon ne sous-estime pas les équipes de son groupe. Qu'en pensez-vous? Et si ce n'est peut-être pas un cadeau justement d'être dans ce groupe le plus un mauvais cadeau. Exactement. C'est ce que je veux dire, d'être dans ce groupe-là pour l'OL, qui a déçu en tout cas dans cette rencontre avec un 1 partout, Memphis Depay qui arrive à réduire le score et donc enfin à égaliser pour Lyon, mais ce but du jeune iranien Azmoun, et une équipe du Zénith qui a pas du tout fait pâle figure face à cet Olympique Lyonnais, alors qu'on sait que l'Olympique Lyonnais est normalement nettement supérieur au Zénith. C'était un peu faible quand même. C'était relativement faible, mais ce que je veux dire par ne pas faire pâle figure, c'est que ils ont eu des opportunités et le score est pas volé. Pas très clairement. Mais tu peux pas dire que le Zénith a bien joué, vraiment. Non, oui, voilà, c'est ça. Ça a été un mauvais match. Lyon, ils repartent sur les mêmes bases que l'an passé. Match nul à domicile contre Hoffenheim, match nul à domicile contre le Shakhtar. Alors, s'ils n'étaient pas allés faire cet exploit à Manchester City. Sauf que l'année dernière, tu prends 3 points d'entrée et là, c'est perdu. C'est ça. Et le problème, c'est pas forcément qu'ils les prennent de haut, ces équipes-là. C'est juste qu'ils sont transcendés dans les gros matchs, entre guillemets. Et que là, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'envie, clairement. En plus du système un peu archaïque de Silvinho qui demande à ses latéraux de pas trop monter, pas trop se découvrir. Qui les aide pas offensivement. Donc, certains joueurs manquent un peu d'envie, de grinta au milieu pour aller chercher ces matchs. Là. Après Silvinho, moi j'ai vu aussi des matchs de championnat de Lyon. Je pense qu'il faut aussi que tout le monde s'est un peu enflammé après les deux premiers matchs de Ligue 1. J'avais dit d'entrée ça. Et je pense qu'il lui faut aussi du temps. Il parle pas français et tout. Il lui faut aussi du temps pour mettre en place son système, la communication et tout. Après, pour moi, dans la poule de Lyon, ça va se jouer sur deux matchs. C'est la double confrontation contre Benfica. Il faut gagner à Lisbonne et au Parc OL. Et après, au Zénith, c'est entre guillemets le match phare. C'est pas évident de gagner à Biel. Ils sont pas très bons. Parce que pour moi, contre Leipzig, ça va être très très compliqué. Leipzig, c'est vraiment. Clairement pas gagné. Ils ont tenu le Bayern. Là, c'est très très ils sont leaders de la Bundesliga. Ils marchent sur l'eau. Werner, il empile les buts. Comme disait Romain, est-ce que c'est pas justement le problème de ce groupe qui soit trop homogène pour Lyon? Ah si, moi, en fait, quand j'ai vu le groupe, tout le monde a dit purée, Lyon encore, ils font exactement comme ils ont fait en 2015 quand ils étaient tombés avec Valence, Zénith et la Gantoise. Gantoise. La Gantoise. On sait comment ça a fini, ils ont fini quatrième. Ouais. Et là, je me suis dit un peu la même chose. Je me suis dit, Benfica Leipzig, c'est un peu cadeau empoisonné. Leipzig, c'est une équipe montante qui joue très bien. Benfica, c'est un déplacement, qu'on le veuille ou non, à Estadio d'Alous, c'est très compliqué d'aller gagner là-bas. Leipzig l'a fait, mais je suis pas sûr que l'OL le fasse. Et le niveau homogène est vraiment très haut pour le coup. C'est pas un niveau homogène des équipes moyennes qui figurent de temps en temps en Ligue des Champions. C'est des équipes qui sont vraiment solides. Moi, j'avais dit d'entrée que si on gagnait pas contre le Zénith à domicile, c'était pour moi le match le plus abordable des trois. Ça allait être très très compliqué. Et là, je pense que en plus tu vas à Leipzig au deuxième match, donc c'est le match le plus compliqué. Pour éventuellement te remettre en confiance, il y a pas pire. Enfin, c'est le match le plus dur que tu dois jouer. Je suis assez inquiet. Ouais, c'est un groupe où tu peux faire premier comme quatrième. Oui, exactement. Ouais, ouais. Mais ils peuvent quand même finir. Moi, j'irais peut-être plus deuxième, mais ils ont encore la possibilité de sortir. Je veux dire, oui, t'as pas perdu contre le Zénith. Oui, et puis même après, derrière, tu peux même finir au grand pire. Troisième, et peut-être que d'ici là, pour les Europa, tu peux toujours faire un parcours. Hein. Ouais, mais troisième, c'est une déception. Troisième, c'est, c'est une déception, mais ils vont se faire lyncher. Si tu fais derrière un parcours, niveau médiatique, tu perds en crédibilité, quoi. Je suis désolé. On va terminer passe des paliers. Cette grande coupe d'Europe avec la belle victoire du Paris Saint-Germain, 3-0 contre le Real Madrid, une victoire importante pour le moral des joueurs parisiens et des supporters, une victoire déjà vécue avec le même score contre le Bayern Munich il y a 2 ans et le sort au compte nous quelques semaines plus tard, donc peut-être pas trop d'enflammade non plus. A priori le PSG devrait sortir de sa poule, hein, un ou deuxième, on ne sait pas. Parlons plus du jeu cette fois-ci, le trio de pointe, donc Cavani, Mbappé, Neymar, absent de ce premier match. Et on a vu les attaquants, qui étaient plus des milieux certains, faire beaucoup plus d'efforts défensifs. Est-ce que c'est pas ce facteur qui a fait gagner le PSG ce mercredi soir? C'est surtout son milieu qui a fait gagner le PSG. Gay, le remplacement de Marquinhos, Verratti, quand on a un vrai milieu au niveau européen, ça se voit. Si c'est pas, les attaquants, s'ils font aussi des efforts, tu vois. Après, si les attaquants font pas d'efforts avec les milieux, ils sont seuls, peut-être. Oui, je suis d'accord avec Flo. Quand t'as Di Maria, en fait, qui fait un match plein, qui défend, qui dans le domaine offensif, il est au top de sa forme, c'est plus facile. Après, surtout que c'est pas seulement les deux buts. Hein. Le début de saison de Di Maria est vraiment de haut niveau. Il est magique. Moi, je pense les plus réguliers du PSG depuis l'ère Qatari. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense pas que Neymar, par exemple, puisse faire l'abattage défensif que fait parfois Di Maria lorsqu'il est vraiment motivé sur un match, tu vois. Oui. Voilà. Neymar, il fait 0 abattage défensif. Il n'a jamais défendu de sa vie. Et donc, comme Mbappé quand il est sur le terrain. Et Mbappé défend pas non plus. Oui, exactement. Sauf que Mbappé a tous les passes. Et Icardi, si tu le mets sur le terrain, il court pas. Donc, ça va être. Mais il est clair que pour moi, de ce qu'on a pu voir, puis même au vu de la composition d'équipe alignée par le Paris Saint-Germain, on avait souvent une équipe qui se reposait sur des individualités, et du coup, qui arrivait à faire le travail en phase de groupe et qui avait souvent on verra si c'est de même cette année. D'ailleurs, des mauvaises surprises en 8e ou en quart de finale les meilleures années. On a une équipe là qui a réussi à trouver en tout cas une ossature tant défensive que dans l'organisation de l'équipe, avec effectivement des joueurs offensifs qui défendent plus et un vrai milieu relayeur. Je me rappelle qu'on s'interrogeait sur le bon recrutement d'Idrissa Gueye. Ouais. Il faut croire qu'il est vraiment en mesure d'osser son niveau de jeu. Ce qu'il a fait, un tout petit peu meilleur que Leandro Paredes. En termes d'abattage défensif, Everton, il avait les meilleurs stats de la première ligue. Oui, clairement. Mais après, Paris voulait recruter déjà depuis un an. Oui, mais bon. Et après, ce sera pas les mêmes joueurs. Je suis pas du tout surpris sur ce match. Bah, il a fait un très très gros match. Hein. Il a été nettement moins bon. Il faut attendre, c'est sûr. Il faut attendre. Le mec a quand même fait très peu de matchs, je pense. Mais en tout cas, j'ai pas du tout été surpris que le Paris Saint-Germain tombe le Real Madrid. Parce qu'ils sont pas très bien en ce moment, je crois. Et ouais, ils sont pas très bien. Bon, en Liga, ils s'en sortent bien, mais bon, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Après, bon, le Real, c'est plus une équipe qui monte en régime au cours de la saison. Le PSG nous habituait au contraire, mais je sens vraiment un PSG plus costaud, avec de meilleures possibilités en Champions League. Sur ce premier match, peut-être que c'était un mal pour un bien d'avoir plusieurs blessures pour pouvoir vraiment se construire en équipe, et c'est ce qu'ils ont l'air de prouver, et également en conférence de presse. Peut-être juste, j'ai 3 mini-questions, on va dire, peut-être une seule personne peut réagir sur le PSG. On a parlé beaucoup des postes maintenant qui sont doublés au Paris Saint-Germain, ce qui est une force aussi. Icardi ou Cavani en pointe maintenant? Cavani. Cavani parce que c'est Alex qui répond sur celui-là, ouais. Ok. Non, parce que Cavani juste pour moi. Juste en une phrase, oui. Oui, parce que déjà, ne serait-ce que parce que sur l'aspect défensif, quand t'es dans une équipe, Liverpool, ils ont gagné l'année dernière avec trois attaquants qui faisaient partie du travail défensif. Icardi le fera pas, Cavani va le faire, donc okay. Pour moi. Icardi n'a rien prouvé. Non, ce que je veux dire, juste pour clore très rapidement, oui, Cavani c'est le meilleur buteur de l'histoire de Paris. Ça, c'est la légende du club entre merci guillemets. Merci au revoir quoi. Oui, voilà, c'est sûr. Ouais. Aussi. Je fais un peu exprès aussi. Hein. Vas-y, Verratti, Sarabia, Gay, Herrera, Di Maria, Kimpembe, 6 joueurs pour 3 places au milieu qui sautent. T'as mis Kimpembe au milieu. Marquinhos. Merci. Herrera, je pense, sera plus un joueur d'appoint. Je m'étonnerais qu'il passe titulaire. Verratti, Sarabia, Gay, Herrera, Di Maria et Marquinhos. Sarabia, pareil. Ah, surtout qu'il a un profil plus offensif. Et c'est qui le sixième que tu as cité? Verratti, Sarabia, Gay, Herrera, Di Maria et Marquinhos. Et pour moi, il faudrait que ce soit Marquinhos qui saute. Qui va derrière. Ouais, qui va derrière. Ouais, c'est le plus intéressant en défenseur central. Pas en dehors du 11. Et justement, donc, Kimpembe, Thiago Silva, Marquinhos, quelle est la meilleure charnière alignée? Bah, Thiago Silva, Marquinhos. Oui, largement, je pense qu'on est tous d'accord. Et Diallo. J'aurais tendance à dire Diallo comme. Diallo devant Kimpembe. Avec Diallo, je suis d'accord. Oui, Kimpembe en 4. Kimpembe en 4, ouais. Diallo aussi. Sur le banc, Kimpembe. Et Kerrer en 5. Voilà. Kerrer en 5 aussi. Ouais. Je comprends. Moi, je Kerrer, je ne comprends pas que c'est un bon joueur. On va finir 2 minutes sur les clubs français en Europa League. Donc, les deux clubs européens, on commence par le club du Forez. Donc l'AS Saint-Etienne qui est en difficulté en Ligue 1 en ce moment, mais qui s'est également incliné sur le terrain des Belges de Genk, 3-2. Pour l'AC, est-ce que c'est un joueur sans fin, celui qui le club qui est destiné à subir donc, toute sa vie le cycle du club de Ligue 1 qui va en 4ème place, qui se déchire pour aller en 4ème place et qui va aller perdre contre. Non, là, contre, là passer Ludo le club, Gerets, c'est dur. En 8ème, non, là ils subissent un truc, ils subissent le départ de Jean-Louis Gasset. C'est tout. Surtout ça. Après, parce que je pense qu'ils avaient quand même, moyen de. C'est pas du tout la même équipe. Il faut pas oublier qu'ils ont perdu Cabella avec Boudebouze et quand même très clairement archi nul depuis le début de saison. Depuis son arrivée du Bétis. Enfin, du Celta Vigo, je sais plus où il était. Il était en prêt au Celta. Ouais, voilà, ça. Ouais. Mais non, moi je pense ils veulent que Romeyer veut que Justin Printemps quitte le club. Pour l'instant, il a dit non. Très clairement, il y a un problème, il n'y arrive pas. Il y a un problème avec l'entraîneur. Des fois, vous mettez dans l'ombre. C'est ça. Ouais, c'est ça, voilà. Parce que l'effectif a diminué, mais malgré tout, l'AS Saint-Etienne doit nous proposer beaucoup mieux que ce qu'il montre depuis le début de la saison. Ah, mais oui. Et son résultat. Tu peux pas prendre 4 à Angers. Hein. C'est pas possible. Ouais. Avec un triplé de Niga. Bah, c'est le problème. Ancien Montpellierin, faut-il le dire. Et donc, juste effectivement, ouais. 3-2, mais au-delà du 3-2, match surtout. Terrible en termes de contenu de l'AS Saint-Etienne qui ne méritait pas mieux qu'une défaite. Ils sont meilleurs avec Berich. Et Flo, donc peut-être je pense que tu voulais un petit mot sur le Stade Rennais. Ouais, les pires forceurs de France, hein, évidemment, les Bretons. Non, mais je remercie les Bretons. Stade Rennais qui avait fait rêver les supporters l'année dernière avec des belles performances en Europe, une place dans le haut de tableau en Ligue 1, mais surtout un jeu tout de même plus séduisant que de nombreux clubs de première division. Que peut-on attendre des Rennais cette année avec un groupe comme le Celtic, Cluj et la Lazio? Très rapidement. Sortir? Ouais, non mais ils peuvent. Sachant que le Cluj c'est quand même un pose à Rome et que Rennes et le Celtic. Non, ils peuvent sortir quand même. Parce ça va être compliqué, mais ils peuvent. Ouais. Pour moi, ils peuvent sortir parce que quand même le Celtic, il faut se rendre compte de ce que c'est. Maintenant, c'est plus le Celtic d'il y a 10 ans. C'était à Rennes. Hein. C'était à Rennes quand même. Ouais. Oui, je sais, c'était à Rennes. Mais pour moi, ils gagnent pas. Hein. Oui, mais vous avez pas vu le match. si. Parce que c'était catastrophique le Celtic. Hein. Oui. C'est je suis pas d'accord. Non, moi je trouve que c'est vraiment. C'est que à l'envie, c'est dans le jeu. C'est Celtic marche. L'intensité, l'agressivité, gagner les duels. Coupe d'Europe, hein. Ouais, mais dans ce cas-là, attends, Rennes a été mauvais, c'est pas pour ça que le Celtic a été bon, quoi. Enfin, voilà. Après, bon, Cluj, Lazio. La Lazio, c'est pas quand même la Lazio de. C'est quand même. Bon, ça, c'est quand pas même. Non, mais bon, tu vois rien. Tu perds à Cluj, quoi. Non, mais si, Cluj, s'ils vont chercher. C'est un groupe, hein. S'ils vont chercher un nul à la Lazio. Ce qui n'est pas impossible. Tout est encore possible. L'an dernier, il était dans une situation très très mauvaise, je vous rappelle, au bout de 3 matchs. Dans un groupe plus faible, certes. Tout dépend si la Lazio va jouer les matchs à fond ou pas, je pense. Pour donner la parole à Alex rapidement sur ce débat, les premiers résultats, en tout cas moi c'est mon analyse très rapide, mais on n'a eu qu'un match, qu'une journée, il ne faut pas prendre d'enseignement là-dessus, c'est que les résultats pour autant ne vont pas dans le sens du Stade Rennais pour le moment, donc il va falloir vraiment aller chercher les points, parce que la performance qu'ils ont fait contre le Celtic était correcte, mais ils n'ont pas fait. Oui. Ils n'ont pas fait la différence, donc ils prennent pas le plein de points sur ce match. Et effectivement, avec une équipe de Cluj qui pourrait paraître sur le papier la plus faible, mais qui va gagner. Une équipe de clowns. Qui va gagner à la Lazio Rome. C'est le champion de Roumanie, ils sont pas si mauvais que ça. Non, ils avaient éliminé en Ligue des Champions le Celtic. C'est plus qu'on ne les. Ils se retrouvent en fait. S'il vous plaît. C'est plus qu'on ne les connaît pas. Et, ouais, et qu'on. Il y a quelques années. Hein. Ouais, ouais, voilà. Mm. Il faut, faut être. Moi, je connais un peu si tu veux. Un peu connaisseur. Parce que nous, on suit beaucoup le football. Mais on a un groupe où les forces en présence vont être assez équilibrées. Et comme on le voit souvent en Europa League, notamment sur le premier tour, entre ce qui est affiché au début et la hiérarchie des clubs qu'on peut s'imaginer dans les groupes et ceux qui sortent, c'est parfois très différent. Beaucoup surtout plus encore qu'en Ligue des Champions et assez surprenant en Europa League. C'est pas le cas, par exemple. C'est exactement ce que je veux dire. Il va falloir que le Stade Rennais fasse des grosses prestations à l'extérieur. Quoi. Après, c'est ça. Pour terminer là-dessus, en termes de, par contre, de possibilités dans la compétition et de jeux proposés, c'est facile à dire, mais bien sûr, on croit plus au Stade Rennais qu'à l'AS Saint-Etienne cette année. Voilà. Même si on aime bien nos Stéphanois, à part team supporter de l'Olympique Lyonnais. C'était bon pour toi, mon Flo. Ouais, juste pour terminer, le club qui ira le plus loin parmi tous les Français en Coupe d'Europe cette année. Et sans explication. Sans explication, juste le club. Ok, ça va être drôle. Moi, je dirais Lyon. PSG. Pour l'Europa League. Ah, PSG. PSG. Okay. Saint-Té. et moi, je. L'amertume. Je vais dire Paris aussi. Okay. Je vais dire Paris aussi. C'est bon pour moi. Débat assez palpitant. Bon, c'est un petit peu coupé par moment. J'espère que c'était pas trop compliqué. C'est l'Europe, c'est l'intensité. C'était animé, c'est l'intensité. Voilà. On va finir la pause. C'est les retrouvailles avec la coupe aux grandes oreilles. On va se retrouver pour le final de notre émission avec nos classiques, le quiz, l'agenda, les tips de la semaine. Alors ne nous quittez pas, mais on va se laisser pendant quelques petites minutes avec la dernière pause musicale de notre émission. Et je la laisse présenter par Tim. J'ai choisi le dernier featuring entre Travis Scott et Ed Sheeran qui s'appelle Antisocial. Tu perds ton sang-froid. À tout de suite. All you cool people, you better leave now because it's about to happen. Friday night and I'm riding solo. When I touch down, give it on the low low. Mess with your energy. No photos. So antisocial, but I don't care. Don't give a damn, I'm gonna smoke here. Got a bottle in my hand, bring more though. Got my hat low, don't talk to me. I've been down, give me some space. You don't know what's in my brain. Music loud, he's in my pain. Yeah. Wanking fuckballs. Don't touch me, don't touch me, don't touch me. I came to fly, yeah. On something, on something, on something. I wanna buy, yeah. Don't touch me, don't touch me, don't touch me. I came to fly, yeah. Won't let nothing come in between me and the night. Yeah. Don't touch me, don't touch me, don't touch me. I came to fly, yeah. On something, on something, on something. I wanna buy, yeah. Don't touch me, don't touch me, don't touch me. I came to fly, yeah. Won't let nothing come in between me and the night. Wow, here he is. My favourite piece of the week. What do we call this, Bev? This is Edible Ed Chair. Just 40 payments of $19.99. Gorgeous. It's just so lovely. I want to buy one for myself. You can't afford him. Ricky can. He's not for sale, Bev. I need room, I need room. Where you standing? Way too close. You might catch fumes when I zoom, when I zoom. As I wake up by myself, or right past noon, then I'm doomed. Tennessee's drowning all of my issues. Right before I leave, she give me more than just some issues. That thing got my back just like my engine. I can't hit it. Seen a vision and a boy, then we committed. I've been lost out in a space. I came to five, yeah. On something, on something, on something. I wanna buy, yeah. Don't touch me, don't touch me, don't touch me. I came to five, yeah. Won't let nothing. nothing coming between me and the night. Touch me, don't touch me, don't touch me, I can't revive, yeah. On something, on something, on something, I wanna buy, yeah. Don't touch me, don't touch me, don't touch me, I can't revive, yeah. Won't let nothing come in between me and the night. Can I be last Friday? I got a lot. Yeah. Oh, hold on. Thank you. What? Yeah, you know. You know. I... What? Et de retour sur Sport and Chill sur Radio Campus Montpellier. On est sur le 102.2 et tout de suite le moment fort de l'émission, Jingle Quiz. Sport and Chill, le quiz. Le quiz, notre habitude depuis le tout début de Sport and Chill. J'espère que celui-là vous plaira. Il a été concocté en grande partie par Guillaume qui est du côté d'Amsterdam. Et on joue en formation individuelle ce soir, ça vous convient? Pas d'équipe? Ouais, 4-4-2. Donc du coup on a Alex, Jules, Flo, Corentin et Tim. Surtout pour le rappeler à nos, éventuellement aux auditeurs qui rejoignent Radio Campus ce soir. Première question, comme d'hab j'indiquerai tour de table, rapidité ou autre. Donc soyez attentifs. Tour de table, c'est une question football. Les filles de l'Olympique Lyonnais, contrairement aux garçons, ont remporté le trophée des champions, oui. Face au Paris Saint-Germain à Guingamp, 1-1, 4 tirs au but à 3. Alors que c'était pour les féminines la première édition du trophée des championnes, même j'ai pu voir. On a envie de vous dire, encore un titre pour les filles de l'OL. Mais au fait, à votre avis, combien l'Olympique Lyonnais a-t-il remporté de titres sur la scène nationale et européenne? Donc championnat, coupe, ligue des champions, trophée des champions. Pas le mondial des clubs non plus. Hein. Non, pas, je sais qu'elles l'ont gagné une fois, je précise. Coupe de France. Chez les féminines. Ouais, coupe toute. Ouais. Donc tu comptes championnat, coupe, ligue des champions, trophée des champions. Et quel est le total depuis auquel vous allez oui. depuis le départ? La première fois qu'elles ont remporté une compétition, c'était en 2007, parmi celles que je cite. Donc c'est pas si lointain en réalité. Ouais. Et on va démarrer. Bah, tiens, il m'a interrogé par Alex. Hein. Un ordre d'idée, chef, de toute manière. Vas-y, mon Alex. Connaisseur. Je peux juste te poser une question. Est-ce qu'il y a la Coupe de la Ligue dans les chez les filles? Non, ça n'existe pas. Bah, d'accord, c'est ça, ma gueule. Par contre, il y a l'Inter Toto. 25 pour Alex. Jules, à toi. 36 pour Jules. Donc c'est le plus proche hein, qui ira. 22 pour Flo. Corentin. Est-ce qu'on compte les titres du club avec lequel ils ont fusionné, qui est le FC Lyon? On compte les titres depuis 2007. Depuis 2007. Allez, Corentin. 34, le département de l'Hérault. 34, joli. 21. Et 21. Et le plus proche, finalement, j'ai bien fait de lui donner la parole en premier, c'est Alex, qui marque ce premier point. C'est 28 titres pour l'Olympique Lyonnais, 13 divisions 1 féminines, 8 Coupes de France, 1 trophée des champions et 6 Ligue des champions. Palmarès incroyable depuis 2007. Deuxième question, et c'est une question rugby. Lors de la victoire face aux îles Fidji, rapidité du coup. L'Australien Tolu Latu a réalisé une performance que seuls 3 joueurs occupant son poste ont réalisé en Coupe du Monde. Mettre un doublé, Jules l'avait. Il y a seulement 3 talonneurs qui ont inscrit au moins 2 essais dans une même rencontre de j'ai Coupe du Monde. J'ai été surpris, j'aurais imaginé qu'il y en aurait eu plus depuis quand même 1987. J'ai pas entendu talonneur, du coup je dis putain, mettre un doublé c'est facile. Et, c'était la première question de Guillaume. Troisième question, rapidité, on est sur du football. Donc dès que vous l'avez, vous me le dites. Quel point commun partagent l'Inter Milan, l'Athletic Bilbao, Liverpool et le RB Leipzig, leader de leur championnat respectif? C'est invaincu. C'est pas ça que je cherche. Ils ont pris aucun but. C'est pas ça que je cherche. Genre mais il y a une piste intéressante. Ils n'ont pas pris de but à domicile. Non. Ils n'ont pas perdu à domicile. Non. C'est pas une question de perdre à domicile ou à l'extérieur, c'est une question de au niveau de leur classement. Et ils ont 13 points. Premiers au goal average. Ils ont 13 points. Chacun a 13 points. C'est pas le nombre de points. Ah oui, non. Ils sont premiers au goal average. Ils ont le même goal average, les 4. Ils ont gagné tous leurs matchs à domicile. Pensez à prendre peu de buts. C'est les meilleures défenses d'Europe. C'est les meilleures défenses de leur championnat respectif. C'est les meilleures défenses de leur championnat respectif. Vous lui avez donné sur un plateau. Deuxième point pour Alex. Bah, il nous a trop orienté. Et notamment deux parmi. Merci Tim. Oui, mais c'est le jeu, mes amis. Et deux avec une mention spéciale, l'Inter et Bilbao, qui n'ont encaissé qu'un but. Putain, j'ai chacun sans froid, quand même. Depuis le début de la saison. Leipzig a plié à 3 reprises en Bundesliga, comme Wolfsburg, et Liverpool 5 fois en Première Ligue, comme Leicester. Non, 3. 3 Leipzig et Liverpool 5. Ouais, il n'y a pas le même nombre de matchs par championnat. Quatrième question, et c'est une question Formule 1. Rapidité également. Malgré une troisième pole position d'affilée, Charles Leclerc Ferrari a laissé passer la victoire à Singapour au bénéfice de son coéquipier Sébastien Vettel. Mais au fait, faut être rapide là. Quelle place occupe actuellement le monégasque Charles Leclerc au classement général de F1? 3ème. 4ème. C'est Flo qui l'a dit le plus vite. C'est bien 3. 3ème avec 200 points, à égalité avec Max Verstappen, devant. Celui-ci est devant au nombre de victoires. Ouais. Et derrière Hamilton, et c'est déjà 296 points. Pour moi, il est devant dans mon cœur. Flo ouvre le score. C'est beau, ça. Et on attaque la cinquième question. Et on est une question rugby tour de table. À combien de compétitions internationales au plus haut niveau Sonny Bill Williams a-t-il participé au cours de sa carrière de rugbyman? Rugby. On va démarrer. Là, tu parles de tout, hein, rugby à 13, rugby à 15. Qui a déjà 2 points. De rugbyman, ouais. Tout. Ok, ok. Non, c'est juste pour cadrer, ok. Three Nations, Coupe du Monde. On est sur Coupe du Monde et Jeux Olympiques. C'est une bonne indication. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas les Four Nations. Non. Non. Four Nations, pardon. Les plus grandes compétitions internationales de leur sport. Donc en l'occurrence, vous avez compris que celui-ci a fait plusieurs disciplines, vous savoir lesquelles, 15, 13, 7. Et je donne la parole à Alex, du coup, qui a 2 points. Là, je dirais 6. 6 pour Alex. 5. J'ai pas compris la question. 5 pour Jules. Combien de compétitions internationales du plus haut niveau, donc Coupe du Monde ou Jeux Olympiques? Moi j'étais à combien de matchs? Désolé. Sonny Bill Williams a-t-il participé? Non, bah allez, bah, vu que j'ai pas compris, je vais mettre 7 plus. 7? Je te fous le. À toi, Corentin. On enchaîne. 6. 6. Il a même pas augmenté quoi. 8 hein. Ouais. Bah, 8. Allez, ça c'est le team que j'aime. Et la bonne réponse est pour Jules. Ah. C'est bien 5. Une à 13. Une à 13. Donc 3 Coupes du Monde à 15. Ouais. Une à 13. Une à 13. Et les JO non? Et les JO ouais, c'est ça, de c'est Rio ça. À 7. Ah, je crois qu'il y en a fait 2 à 13. C'est des coquins aussi. Ouais. C'était pas évident. C'est bien Guillaume qui a posé cette question. Et une autre question tour de table. Bon, il n'y a pas beaucoup d'actu en ce moment, mais quand même une question tennis. Joe Wilfried Tsonga a remporté un tournoi très important ce week-end, celui de Metz. C'est son 3ème titre à l'ATP à Metz. Mais au total, combien compte-t-il de titres 18. ATP à son palmarès? 18. Ah, c'était trop beau. C'est 18. Ah ouais. Je te le donne parce qu'au moins on fera les autres questions. Tour de table ou pas? Ah, 18. Par contre, voilà, il y avait tour de table, t'aurais pu la jouer au bluff, mais bon là c'était costaud. Non, mais c'est joli. 7ème question, c'est une citation, vous pouvez me couper dès que vous voulez. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre pour cette course, mais pour sûr, ce sera une grosse bataille avec moi-même. J'ai vraiment peur de me perdre dans les montagnes suisses. Qui a dit ça? La Philippe? Non. Rodic? Trop glitcheux. Ça a bien rapport avec du cyclisme. Ça gagne? Mais réfléchissez bien, pas forcément avec... Pauline Ferrand-Prévot. Pauline Ferrand-Prévot. C'est Pauline Ferrand-Prévot. Jolie. La française, c'est un événement qui est passé assez inaperçu, elle a gagné. Mais qui est très important sur ce week-end, surtout qu'elle y allait presque pour se tester. Pauline Ferrand-Prévot, avant sa participation au championnat du monde de VTT marathon, auquel elle a participé pour la première fois, elle qui est championne du monde de cross-country depuis 3 semaines, qui revient en forme dans la perspective des JO de Tokyo 2020. Le VTT marathon, pour vous placer, c'est 70 km et c'est au moins 3500 mètres de dénivelé. En Suisse, et en plus elle a vraiment dominé la compétition à Gratchen en Suisse. Bravo à Pauline Ferrand-Prévot. Gratchen. 8ème question, et on est sur du volley rapidité. Ce soir, nous avons notamment parlé de l'Eurovolley, qui a lieu en ce moment avec de nombreux matchs qui ont pu être joués sur le sol français. Mais au fait, quelle sélection est championne d'Europe en titre? Italie. Pologne. J'ai entendu Italie. Oui. Pologne. Ah, c'est Russie. Ah. Personne n'avait dit Russie avant? Non. C'est pour Corentin. Et c'est son premier point. Messieurs, on arrive sur les trois dernières questions. Et ce sont des questions normalement où ça peut aller assez vite si vous êtes bon. On est sur une question tour de table football. Petit hommage difficile à Yacine. Ce week-end avait lieu le derby de la Madonnina entre l'Inter Milan et le Milan AC à San Siro. Pour le plus grand malheur de notre Yacine, justement. Celui-ci a de nouveau tourné à l'avantage de l'Inter. Il sait ô combien j'aime le Milan AC. 2-0, but de Brozovic et Lukaku pour des Nerazzurri qui caracolent en tête de la Serie A avec 4 victoires en autant de matchs. A votre avis, depuis combien de rencontres les Rossoneri du Milan AC n'ont pas remporté, j'ai dit tour de table, le derby face à leur voisin Nerazzurri? Et on démarre, il est toujours en tête par Alex. Attends, tu... Combien, oui. Depuis combien de matchs oui. L'Inter, le Milan n'a pas remporté le derby. Un match contre l'Inter, le derby de la Madonnina. D'accord, donc, les deux, donc aller-retour. Quoi. Allez, faut de la rapidité, monsieur. Allez, 8. 8. 6. 6 pour Jules. 10. 10 pour Flo. Et 7. 7 ouais, pour Quentin. Il est coupé et tout. Hein. Et beaucoup de 5. 5 pour Tim. Et la bonne réponse a été donnée. Et c'est 7. Oh putain. Ah, pour Quentin. Mais qui peut m'arrêter? Et sur qui les deux dernières questions, ça va être bien serré. Ça va être bien serré. Ils sont dans le dur, les Rossonneries. Tim, je t'oublie pas un point. T'as eu le point sur le tennis. Il y en a pas eu un autre. Non, voilà, non, parce que j'ai mal écrit. Excuse-moi. Le mec est en train de perdre son titre. Mais tu n'es pas le seul. Hein. Flo est à un point aussi. On en a deux Tim. À deux points. Jules, Corentin et Alex à 3. On en vient sur nos deux dernières questions. Et c'est une question cyclisme l'avant-dernière. Dimanche prochain, Alejandro Valverde va remettre en jeu son titre de champion. C'est un enfer. Du monde. Ah, c'est Peter Sagan, Julien Alaphilippe, Philippe Gilbert, encore les jeunes gardes néerlandaises et belges vont tenter de récupérer pour une année la belle tenue arc-en-ciel de champion du monde. Mais dans quelle ville sera jugée l'arrivée de la course en ligne cette année? Rapidité. Oh là là. Oh. Berne. Est-ce que quelqu'un a le pays déjà? Ouais. Les États-Unis. Si quelqu'un a le pays, je lui donne. L'Allemagne. Difficulté. C'est pas l'Allemagne, c'est Kazakhstan. C'est pas en Slovénie? Pays-Bas. C'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est pas si loin en réalité. Autriche. Autriche, c'était l'année dernière, dommage. Luxembourg. Magique. Vous l'avez pas. Pays-Bas. Ah, testez, vous allez la voir. Royaume-Uni. Espagne. Et c'est bien le Royaume-Uni, ah. Et c'est Leeds. Ah, mais vous me stoppez, mais les amis. Et voilà. Une grande ville du foot et de la première ligue fut un temps. Dernière question, ça va jouer entre Corentin et Alex. Et on est sur un nombre. Et c'est le nombre 18 pour terminer. Les pompiers. Je vous dis le nombre de victoires de Jovi Fessanga. Ça aurait pu. Yes. Football. Deux bonnes réponses d'ailleurs. Football. Jovi Fessanga, on te dit. Samedi. Angleterre. Première ligue. Non, c'est 15 putain. J'allais dire le nombre de victoires d'affilée de Liverpool, mais c'est 15. Nombre de buts. Et temps. 18 secondes, c'est, il y a eu c'est un Manchester City qui a mis 4 buts en 18 minutes. Tu es presque. 5 buts en 18 minutes. Hein. Ouais. Je peux la donner à Jules. Bravo. Et on a 3 ex-aequo ce soir. Mérité. Mais écoutez, c'est beau. On partage les points. Je peux pas faire mieux parce que sinon on va être vraiment hors jeu et faut qu'on rentre dans les clous de l'émission. On n'y est pas encore. Donc ex-aequo entre Jules, Alex et Corentin. Je leur ferai les deux dernières questions que j'avais prévues en off et sur le post du podcast. Vous aurez la réponse de qui est le vrai vainqueur, si je puis dire. Même si ces trois-là ont été performants. Donc Alex, Jules et Corentin. Remet son titre ce soir, un peu le mont précieux de MPG, si vous voulez. Les larmes. Et on passe tout de suite, du coup, pour terminer cette émission, si je trouve ma petite feuille, à notre agenda montpelliérain avant les tips et de se quitter, messieurs, sur le son de la semaine. Donc, agenda 100% montpelliérain aujourd'hui et donc pour toute cette année. Les événements donc à suivre à Montpellier pour ses équipes d'ici la prochaine émission. Ce mercredi 25 septembre, ce sera le rendez-vous de la semaine au stade de la Mosson pour le sport montpelliérain. En effet, le Montpellier au Sport Club recevra le Nîmes Olympique à 19h dans le premier derby de la saison, dans un match clé pour faire basculer l'un des deux clubs locaux dans la première partie de championnat. Les Payadas enchaîneront ensuite du côté de la Méno face au RC Strasbourg dimanche prochain à 15h. Objectif 6 points pour se remplacer en championnat. Les Montpelliéraines du MHSC reprennent du service et rencontreront le samedi 28 septembre prochain le Dijon Football Côte d'Or, le DFCO à Gramont pour le compte de la 4e journée. Pour le compte de la 4e journée, en Lidl Star League cette fois-ci au handball, le MHB se déplacera à Tremblay en France ce mercredi à 21h. Les handballeurs montpelliérains retrouveront ensuite leurs supporters au Palais des Sports René Bougnol de Montpellier dimanche pour un autre des grands rendez-vous de cette semaine montpelliéraine, la réception très attendue du club hongrois de Veszprém, finaliste malheureux de la dernière édition de la Ligue des Champions. Certes, nous sommes en période de Coupe du Monde de rugby, mais le top 14 reprend ses droits. Le week-end prochain, les cistes du Montpellier Hero Rugby recevront le leader, l'Union Bordeaux-Bègles, à 12h30 le dimanche 29 septembre au GL Stadium. Les coccinelles du MRC tenteront de continuer leur sans-faute, leader d'élite féminine dans la poule 1. Elles se déplaceront face au club de Lons Rugby Féminin Béarn-Pyrénées. Ouais, pas trop long. Dimanche à 13h30 pour maintenir leur invincibilité. En hockey sur glace, les Vipers de Montpellier recevront l'équipe de Nantes pour ouvrir leur compteur à la patinoire Vegapolis et éviter de s'enliser en fin de classement. Les hockeyeurs auront à cœur d'offrir du beau spectacle et la victoire à leur public. Ce sera samedi à 19h. Enfin, en waterpolo, ce sera l'Eurocup. Le MWP se déplacera à Mataró en Espagne pour le second tour de l'Eurocup du 27 au 29 septembre avec 3 rencontres. Une contre le club espagnol de Mataró, justement. Une rencontre contre le club du ZF Eger hongrois. Et enfin, contre un club français, le CN Noisy-le-Sec. En championnat, la prochaine rencontre à domicile sera à Piscine Antigone le 5 octobre. La saison n'a pas encore démarré ni pour le MCVUC ni le BLMA, comme je vous l'avais précisé. Enfin, un événement à suivre du côté de Nîmes qui est caritatif, organisé par le Lions Club de Nîmes Alphonse Daudet. C'est une course, la Nocturne de Nîmes 2019, qui aura lieu vendredi soir. C'est la 6e édition à 20h30. Elle passe notamment par les arènes de Nîmes et par le jardin de la Fontaine. Et c'est un bel événement, je voulais le mettre en valeur. Course de 5 km 500 en soutien aux associations et dans les malvoyants et luttant contre la déficience visuelle. Je vous encourage à vous rendre sur leur site internet et leur page Facebook. C'est notre nouvelle chargée de communication, Manon, qui m'a indiqué cet événement. Anime, ça ne vous étonnera pas. Ça fait classe de dire ça quand même. Et enfin, parole est à Tim pour terminer avec les tips de la semaine. On espère mieux que le 0 sur 4 de cette semaine. Ouais, on va essayer de rebondir. On n'a pas eu de chance. J'ai choisi un gros combiné et pour être sûr de ne pas le passer. j'ai choisi 8 matchs. Non, 6 pardon. Le premier se joue va se jouer d'ici 5 minutes ou a commencé il y a 5 minutes. C'est Lorient qui, pour moi, va gagner contre Rodez. Ah, c'est ce que j'aimerais bien. Ouh, le club avéronais. Ouais, le club avéronais. Le deuxième, j'ai mis victoire de la Juve à Brescia. En troisième, j'ai choisi victoire de Leicester à Luton, un club de seconde ou troisième division, je crois, en cup. J'ai mis ensuite victoire de l'Atlético à Mallorca qui végète dans les fins de classement de la Liga. J'ai misé sur un rebond de la Saint-Etienne contre Metz, je suis pas sûr, mais ils sont bien cotés, la S. Prenez vos responsabilités. Et enfin, voilà, je suis peut-être pas objectif, mais j'ai mis victoire de Montpellier dans le derby contre Nîmes. Ouais, mais il fallait la donner, celle-là. Grosse cote à 36. Hein. Grosse cote à 36 en cumulé, que vous pouvez retrouver dès à présent, après l'émission, sur la page Facebook. Ce sera le cas également toutes les semaines. Je vous remercie pour cette belle émission. D'ici à la semaine prochaine, j'espère qu'on sera encore un petit peu plus dans les clous, c'est nécessaire. Surtout lorsqu'il y aura des lives sur Radio Campus. Si je ne me trompe pas, Arnaud, on n'a pas d'émission qui nous suive ce soir. Donc c'était la fin des programmes sur Radio Campus Montpellier. Je me suis régalé à vos côtés. J'étais content aussi de retrouver Flo qui sera du côté du cross, je pense qu'on peut le dire quand même, Rhône-Alpes, Tony. À Bourgoin-Jallieu, terre de rugby. Et on espère te revoir rapidement. Je te laisse dire un dernier petit mot avant d'annoncer le son de la semaine. Et merci bien sûr aussi à Jules, Alex, Corentin et Tim. Merci à tous. Allez, défoncez-nous ces crocos là. Ouais, on y croit. Le derby, c'est la rencontre importante de ce mercredi. On se quitte tout de suite avec le son de la semaine et retrouvez-nous bien sûr sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Merci à vous. Twitch à la aussi. Semaine prochaine et allez Montpellier, allez la paillade, Pinterest.